Auditrice, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo. Enfin, Radio Guémozo, c'est son nouveau nom depuis quelques années. Avant, c'était Radio Trait d'Union. Hein, vous voyez ce que ça veut dire, Trait d'Union. Et oui, entre les auditeurs, auditrices, et puis les animateurs, animatrices de la radio. Voilà, il fallait qu'il y ait un dialogue. Hein, c'est-à-dire que le courant passe dans les deux sens. Alors, le programme de ce soir, de ce calendrier des esclavages et des libérations, eh bien, d'abord, Rokhaya Diallo nous dit un certain nombre de choses. Ensuite, Adrien Quatennens, invité de Pascal Pro, journaliste. J'ai mis journaliste entre guillemets sur mon papier, parce que le terme de journaliste, c'est un métier, journaliste, et c'est un terme qui se mérite. Hein. Y a des gens qui passent pour qu'on appelle journaliste pour gagner du temps, voilà. Mais si on cherche un peu à comprendre, si on les regarde travailler, on les écoute, ben on se dit que ce ne sont pas des journalistes. Hein, voilà. Alors, après la prise du pouvoir, il faudra penser à trouver du travail à ces gens-là, autre que dans les télévisions, les radios, les journaux, etc., qui, eux, qui ont vendu leurs concitoyens pendant des décennies, eh bien, il va falloir qu'on leur trouve un autre métier. Hein. Éric Coquerel, candidature de Macron. Bon, oui, il dit ce qu'il en pense. 31 janvier, Jean-Luc Mélenchon, c'est à vous. Alors, il était invité par Caroline Roux. Caroline Roux est aussi une journaliste, entre guillemets. Hein. Voilà, Caroline Roux. Et puis, Aurélie Trouvé. Et puis, une revue de presse. Et puis voilà, ce sera tout pour ce soir. Hein. Thank you. Calendrier des esclavages et des libérations, le 28 mars. Alors, 28 mars 1848, en France, les ouvriers menuisiers de la ville de Paris fondent une association fraternelle et démocratique, pour s'instruire sur leurs droits politiques et sociaux et discuter de l'organisation du travail. Nous étions en 1848. Vous avez vu, les choses ont drôlement progressé depuis. Eh oui, on est allé jusqu'à ramasser un Pétain et un Macron. Ils sont forts, les Français. Mon, qu'ils sont forts. Quand vous prononcez le mot démocratie, alors là, tout de suite, vous pensez à la France et aux Français. Oh là là. 1882, France. Une loi rend l'instruction primaire gratuite et obligatoire. 1882, quand même, hein. Bon, enfin, mieux vaut tard que jamais. Obligatoire pour les enfants de deux sexes âgés de 6 à 13 ans. 1893, France, à Angers. Le patron de l'usine de chanvre refuse tout dialogue avec les peigneurs en grève. 65 ouvrières se solidarisent avec les ouvriers et abandonnent l'usine. 1909, France. 1000 personnes manifestent devant les usines Médard de la Motte à Ablainville, près de Méru. La gendarmerie charge, blessant plus de 20 personnes. Je croyais que la gendarmerie était là pour faire respecter le code de la route, pour attraper les voleurs, pour attraper les violents, les méchants, les tordus, les etc. Ben non, elle est aussi là pour taper sur les grévistes, pour taper sur les travailleurs qui ont besoin d'une augmentation, qui ont besoin d'une amélioration de leur vie. Eh ben oui, c'est ça, hein, que voulez-vous, les ordres, c'est les ordres, hein, voilà. Oui. Ensuite, 1920, Italie, grève des aiguilles à Milan. Elle s'étendra à tout le Piémont. 500 000 ouvriers et paysans y prendront part. Mais l'action aboutira à un échec, entre autres par manque de soutien du Parti Socialiste et de la CGL, Confédération Générale du Travail. Alors, Parti Socialiste, 1920, Italie. Bon. C'était la première et la dernière fois qu'un parti qui se dit socialiste trahissait les gens qu'il était censé représenter. C'était la première et la dernière fois, hein? Oui? Bon, d'accord. 1933, Allemagne. Le NSDAP, National Socialistischer Deutsche Arbeiterpartei, comme on dit en anglais, sur les radios locales, libres, commerciales, etc. Parti ouvrier nazi, hein? Appel à boycotter les magasins juifs pour le 1er avril. Eh oui, c'était en 1933, en Allemagne. L'année précédente, au début de l'année, les Allemands avaient voté pour le parti nazi et Hitler. Et pourquoi donc? Ben parce qu'ils étaient désespérés par l'attitude de tous les autres partis. Hein? Et puis, ils étaient induits en erreur régulièrement par la presse allemande de l'époque. Hein? Alors, toute ressemblance avec la presse française de 2022, non, faut pas se fier aux apparences, hein. Allons. 1939, Espagne. La prise de Madrid et de Valence par les franquistes met fin à la guerre civile qu'ils avaient commencée 1936-1939. On compte 1 million de morts et 2 millions de prisonniers. La dictature est en place pour longtemps. Voilà, nous voilà avertis. 1933, Allemagne. 1936, Espagne. Hein? 1920, Italie. Bon, si on ne comprend pas les choses, ben ça va être dur, hein. Ça va être dur. Enfin, 1961, Irak. Une grève déclenchée par les chauffeurs de taxi est l'occasion d'affrontements avec la police qui font une vingtaine de morts. Le glas sonne pour le régime de Kassem. 1982, Japon. Une délégation des paysans du Larzac participe avec des paysans japonais à une manifestation contre l'extension de l'aéroport de Narita, menaçant leurs terres. 1983, Argentine. Importante manifestation syndicale. Première grève générale depuis 7 ans. Contre la dictature militaire. Des mots à apprendre et à retenir. Dictature militaire. Et pour l'avènement de la démocratie. Voilà. Thank you. un principe qui est universel. La Déclaration universelle des droits humains, dans son article 13, dit que toute personne a le droit de quitter son pays. Ce qu'ont fait les Ukrainiens, c'est simplement mettre en application un droit qui est universel, qui est celui de quitter son pays, a fortiori quand on est exposé à un danger, quand on voit son quotidien brutalement s'effondrer. Je suis très heureuse que, à l'occasion, malheureusement, de cette guerre, tout le monde ait compris que lorsqu'on était exposé à une situation de danger immédiat, on avait besoin de s'exiler et de migrer. Et que, en France, aujourd'hui, 79% des Français considèrent qu'on doit accueillir les Ukrainiens. Que l'Union européenne ait mis en place un dispositif d'urgence sur la base d'une directive de 2001 pour protéger les Ukrainiens. Ce que je regrette, c'est que cette directive qui existe depuis 2001 n'ait pas été mise en application avant. En Méditerranée, depuis 2014, il y a 23 000 personnes qui se sont noyées. On est dans un continent qui est un cimetière, dont la mer est un cimetière, qui n'a pas estimé nécessaire de mettre en application un dispositif pour protéger d'autres personnes. En 2015, quand les Syriens sont partis de Syrie dans les mêmes conditions, 68% des Français étaient opposés à leur accueil. Je pense qu'il y a dans cela ce qu'on appelle le privilège blanc. Je pense qu'il faut que des corps blancs expérimentent la douleur de l'immigration pour qu'enfin on éprouve de la compassion et de l'empathie. Quand des Noirs, des Arabes, des musulmans sont exposés à la douleur, on considère que c'est une situation normale et acceptable. Et c'est malheureux, mais je pense qu'il a fallu que des blancs européens souffrent pour qu'on comprenne que immigrer, c'est un droit humain qui doit être accordé à tout le monde de la même manière. Et j'espère vraiment que cette crise ukrainienne va ouvrir les yeux de tout le monde et va faire que chaque Français et chaque Française sera en empathie avec toute personne. Merci Rokhaya. Merci. Merci. Que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue. Au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai, c'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher, et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez, vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux, une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi. Si j'étais chef d'entreprise, est-ce que j'aurais envie de voter pour Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que j'aurais le sentiment qu'il favorise l'économie des entreprises petites et moyennes? Michel, vous êtes chef d'entreprise. Oui, Pascal. Vous avez combien de salariés? 12. Donc c'est ce qu'on appelle une PME. Question directe à Monsieur Quatennens. Vous rappelez votre question. Ben, les matériaux augmentent, les carburants explosent, tout va se répercuter sur le pouvoir d'achat des Français. Quelle serait votre solution si vous étiez élu? Bonjour Michel, merci pour votre question. Écoutez, on va se dire les choses. Évidemment, les prix augmentent d'autant plus qu'il y a le conflit en Ukraine et les sanctions économiques qui sont prises. Mais vous avez remarqué comme moi que les prix n'ont pas attendu la guerre pour monter et qu'on avait déjà une trajectoire extrêmement inflationniste avant même le conflit. Notre hypothèse avec Jean-Luc Mélenchon est la suivante. Le marché, c'est le chaos. On peut pas laisser faire les prix et la loi de l'offre et de la demande dicter les prix. Surtout des prix qui sont des produits de première nécessité pour votre activité, mais aussi, vous en avez parlé, pour les particuliers. Alors, plutôt que de faire comme Monsieur Castex, distribuer une petite obole de 15 centimes le litre de carburant, avec Jean-Luc Mélenchon, si nous sommes en situation de gouverner ce pays dans quelques semaines, nous allons bloquer les prix d'un certain nombre de biens. Je commence par le carburant, vous en avez parlé, Michel. Nous voulons bloquer les prix des carburants et à la baisse. Parce que la première fois que Jean-Luc Mélenchon a évoqué cette histoire de blocage des prix, les prix n'étaient pas à 2 euros, mais ils étaient à 1,40. Donc nous voulons bloquer les prix du carburant à 1,40 à la pompe. Nous voulons bloquer les prix également des premières quantités d'énergie, parce que là aussi, le marché produit les désastres que l'on voit. Vous savez par exemple que le prix de l'électricité augmente sans aucune correspondance matérielle derrière, simplement par des effets de marché qui indexent le prix d'électricité sur le prix du gaz. Eh bien là, c'est pareil, on ne doit pas laisser faire le marché. Et puis, nous allons le faire aussi pour certains produits alimentaires. Vous avez raison de dire, Michel, que les Français souffrent et parfois ça passe trop souvent sous les radars. Il y a 10 millions de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire qu'ils doivent se débrouiller avec moins de 1000 euros par mois. Et tous les jours, on envoie des messages publicitaires, par exemple, pour prendre soin de votre santé, vous l'avez entendu comme moi, j'en suis sûr, mangez 5 fruits et légumes, sans jamais se poser la question de savoir si les gens ont de quoi se les payer. Donc oui, nous allons fixer les prix. Il y a une manière technique de le faire qui est assez simple, parce que tout le monde nous dit, mais est-ce que c'est possible de bloquer les prix? Oui, c'est possible. D'ailleurs, dans un passé récent, Monsieur Macron lui-même l'a fait. Face à l'anarchie du marché sur le gel hydroalcoolique, quand la demande explosant a fait que le prix montait, Monsieur Macron lui-même a bloqué les prix du gel hydroalcoolique. Et dans nos outre-mer, par exemple, à La Réunion, Michel, le préfet a le pouvoir de bloquer rien de moins que 153 prix et les fixe avec des conseils citoyens qui établissent, eh bien, les produits qui doivent être bloqués. Donc, notre intention, c'est en effet de bloquer les prix. C'est une mesure d'urgence. Sans doute pas une mesure pérenne, mais elle s'accompagne d'autres mesures pérennes dans notre programme, par exemple l'augmentation des salaires pour soulager la vie des gens et des minima sociaux. On va marquer une première pause et je remercie Michel pour sa question. Vous allez tous pouvoir rester. L'idéal, ce serait qu'on puisse dialoguer, bien évidemment, mais je sais parfois, lorsqu'un homme politique est présent, qu'il lui faut un peu de temps, certes, pour expliquer, mais plus il peut être concis et synthétique, mieux c'est. Je vais répondre par oui ou non. Pour le dialogue. Et on va marquer une première pause. Alors, il se trouve que dans votre formation, vous êtes plutôt, vous avez passé un BTS de management des unités commerciales. Donc, vous savez a priori de quoi vous parlez en matière d'économie. Les sondages donnent en ce moment Jean-Luc Mélenchon troisième, souvent, alors certains parfois quatrième, mais il serait passé devant Éric Zemmour et devant Valérie Pécresse, il est loin encore de Marine Le Pen. Pour revenir à l'économie, parce que beaucoup peuvent vous reprocher de ne pas forcément favoriser les entreprises. Aujourd'hui, les sociétés sont taxées à 25% sur l'impôt sur les sociétés. C'est assez peu, historiquement, en France, 25%. C'est un chiffre que vous garderez ? D'abord, il faut une meilleure progressivité de l'impôt, c'est-à-dire ne pas considérer les pour TPE, les sociétés, les PME. Je parle. Hein. Mais justement, là, je parle le problème, sociétés, c'est hein. qu'on a tendance à considérer de la même manière, Pascal Praud, les grandes entreprises, par exemple celles du CAC 40, qui viennent de réaliser des records absolus en pleine pandémie de dividendes, 70 milliards, c'est quand même bon de le rappeler. Il ne faut pas les confondre avec les petites PME, TPE, les entreprises de taille intermédiaire, qui sont d'ailleurs hyper dépendantes de l'écosystème qu'imposent les premières. Et celles-là, sans doute, en effet, il faut assurer une fiscalité plus progressive. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose, franchement. Quand les candidats se succèdent à l'occasion des élections présidentielles devant les milieux économiques et notamment le patronat, même le petit patronat, c'est pas très original, quoi. On les entend toujours dire, alors on va baisser les impôts de ceci, les impôts de cela, on va baisser les impôts de production. D'ailleurs, souvent, on se plaint beaucoup des impôts de production en France, mais on oublie de rappeler que la France est un des pays qui est en tête du peloton des pays qui investissent le plus pour aider leurs entreprises. Bon, ma question, c'était 25%. Oui, vous allez augmenter l'impôt sur les sociétés. Ce que l'on va faire, c'est améliorer la progressivité de la fiscalité, mais surtout pour les chefs d'entreprise qui m'écouteraient à cet instant, c'est sûr que ça n'est pas avec nous qu'on va simplement vous offrir des rabais comme ça a été fait avec la politique de l'offre depuis 30 ans. C'est-à-dire pour l'instant, la politique qui domine depuis 30 ans dans ce pays, Pascal Praud, c'est la politique de l'offre. C'est-à-dire on produit n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ça coûte pas cher et que ça se vende, sans se soucier des objectifs que nous avons à accomplir. Je sens que j'avais un débat avec mes questions. Mais et la deuxième chose qui m'intéressait, c'était... Ce que nous offrons, nous, aux entreprises de ce pays, entendez ça, c'est de la visibilité, de la prévisibilité, par la planification écologique. Relever des grands défis, c'est plus important que de savoir si on doit baisser les impôts de ceci, les impôts de cela. C'est important pour ceux qui nous écoutent. Et d'autres choses, les dividendes aujourd'hui, c'est 30%. C'est ce qu'on appelle la flat tax. 30%. Non, les dividendes, c'est beaucoup plus que ça. Elle est à 30%. La flat tax, c'est la fin de la progressivité de l'impôt. Et ça, c'est un problème. Non, mais quand tu sors des dividendes, tu payes 30%. Mais donc, nous, justement, Pascal Praud, nous allons rendre l'impôt plus progressif. Nous allons, en effet, abroger la flat tax. Il n'y a pas de raison que ça soit un taux fixe d'imposition. Voilà, c'est un taux fixe de 30%. C'est-à-dire que quand vous êtes chef d'entreprise, que vous voulez sortir des dividendes de votre entreprise, à ce moment-là, vous payez 30%, effectivement, d'impôt. Donc, vous augmenterez cela. Parce qu'après, ça va pas augmenter pour tout le monde. On va améliorer la progressivité de l'impôt. Il y aura pas un taux fixe, en effet. Les petits vont payer plus petits et les gros vont payer plus gros. C'était intéressant conclure sur ce point économique. Alors, Françoise est avec nous et sans doute une question cette fois-ci sur l'Ukraine. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Pascal, bonjour monsieur. Bonjour Françoise. Je trouve la position de monsieur Mélenchon plus que floue concernant le conflit en Ukraine. À un moment donné, on avait l'impression qu'il était plutôt proche de la Russie que des Ukrainiens. Et donc, voilà, je voulais savoir ce qu'il en était. Bonjour Françoise, vous me donnez l'occasion d'une énième explication, parce que la position de Jean-Luc Mélenchon, la nôtre, sur ce sujet, ne souffre d'aucune ambiguïté. Mais j'entends que sur fond de campagne présidentielle, certains candidats qui sont à la peine... procède à toutes sortes de calomnies qui rendent, j'en suis d'accord, les choses assez difficiles à comprendre. Écoutez, en l'espèce, face à la situation qu'on a sous les yeux, nos propos sont clairs. Vladimir Poutine a choisi la guerre, il en est le seul responsable, il a envahi le voisin, donc il contrevient au droit international, ça n'est pas acceptable. Il ramène en Europe, sur le vieux continent, un mode de règlement des conflits qu'on pensait révolu, la guerre, ça n'est pas acceptable. Donc il faut concourir à construire la paix. Et Jean-Luc Mélenchon le dit, mais supportez qu'il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui le dit. Je vais citer quelqu'un qui n'est pas de notre bord et une fois n'est pas coutume, mais Nicolas Sarkozy, quand il est sorti il y a 15 jours de l'Élysée, il disait exactement ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui consiste à dire... Entre la guerre totale, entre puissance nucléaire ou la diplomatie, il n'y a pas d'alternative. Non, mais le problème de Jean-Luc Mélenchon n'est pas... Je m'explique parce que c'est quand même assez, complexe. Non, mais c'est très complexe pour tout le monde. Mais ce que veut dire François, c'est que le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas ce qu'il dit aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit hier. J'y viens, Pascal Praud. C'est ça qui percute, et c'est pour ça que François dit c'est un peu flou. Non, mais ça ne l'est pas. Si vous supportez que je vous l'explique, vous verrez que ça ne l'est pas. Je veux bien donc, d'abord. Juste d'un mot, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est exiger le cessez-le-feu et le retrait des troupes russes d'Ukraine où elles n'ont rien à faire. Et pour cela, la bonne solution, c'est de sanctionner durement les oligarques et toute la petite clique autour de Vladimir Poutine pour l'isoler, le mettre en situation de revenir à la table des négociations, mais d'être extrêmement vigilant sur le fait que nous ne voulons pas, je suis sûr, François, que comme moi, vous ne le souhaitez pas non plus, que la France mette le doigt dans un engrenage d'escalade qui nous amènerait à une guerre totale. Alors maintenant, sur ce qui a précédé et ce qui nous a mené à ce conflit. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon peut pas être taxé d'aucune complaisance avec le régime de Vladimir Poutine. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que nous sommes écologistes et anticapitalistes. Et donc, en Russie, nous ne voterions pas pour Vladimir Poutine. Jean-Luc Mélenchon, quand il se rend en Russie, il rencontre des opposants à Vladimir Poutine. Des gens qui ont fait de la prison pour s'être opposés à lui. Récemment, dans un meeting que nous avons fait pour la paix, nous avons fait intervenir notre camarade russe Alexei Tsaknin, qui, pour le simple fait d'avoir tenu des propos anti-guerre depuis la Russie, risque 15 années de prison. Donc, laissons ces calomnies à quelques candidats à la peine dans les sondages. J'entends, Adrien Quatennens, ce que vous dites, j'entends. Mais il n'empêche, et on va écouter, et c'est le souci, j'imagine, que soulevait Françoise, le souci, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Pas le seul, d'ailleurs. On reproche la même chose parfois à Marine Le Pen et ou à Éric Zemmour, des positions pro-Poutine. Écoutez, par exemple, ce que le leader de la France insoumise disait en 2017 sur la Russie, Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas vrai que la Russie soit une menace pour la paix du monde. C'est un mensonge. C'est un acte de propagande destiné à justifier un projet politique en Europe. Manifestement, il s'est trompé, parce que c'était un danger pour la paix du monde. Et c'est difficile aujourd'hui de dire le contraire. Je vous fais écouter maintenant ce qu'il disait en 2014, toujours Jean-Luc Mélenchon. Gardons-nous d'aller en rajouter sur le Disneyland habituel, le méchant monsieur Poutine d'un côté, et les très gentils gouvernements de Kiev qui sont tout de même des gens aussi féroces qu'on peut l'imaginer. Après tout, sont quand même des néonazis pour une partie d'entre eux. Bon, c'est des néonazis. Donc, vous voyez, et il s'est trompé. Là, vous généralisez. Non, mais c'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Il a pas dit que c'était tous des néonazis. Oui. Non, écoutez, bon. Pascal Praud, si non, vous attendez, permettez, non, mais je vous voulez non, qu'on fasse œuvre utile dans votre émission non, ou pas? Non, monsieur Catin, si vous voulez parler tout le temps, je vous donne le micro et puis moi je sors. Ah, c'est vous l'invité politique? Non, non. C'est moi qui vous pose les questions. C'est moi, non, mais c'est clair. Vous allez apprendre la géopolitique, Pascal Praud? Je vais rien vous apprendre du tout. Alors laissez-moi vous parler. Non, mais justement, je vous fais réagir là-dessus. Mais vraiment, si vous voulez parler tout seul pendant 10 minutes, moi je sors. Vous n'avez pas besoin de moi. Mais en revanche, non. Vous êtes très bien ici. Ah, bah, mais merci. En revanche, quand... Mais c'est moi l'invité politique. C'est vous l'invité, mais c'est moi qui pose les questions. C'est moi qui vais parler. C'est moi qui pose les questions. Vous avez une drôle de façon à la France insoumise d'imaginer le dialogue. Donc moi, je vous dis simplement, Mais je vous pose la question. Et elle serait déjà... La question, c'est Françoise qui me l'a posée. Elle serait déjà posée... Elle était très claire, la question. Elle serait déjà posée si vous ne m'interrompiez pas. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, il n'est pas le seul, s'est trompé quand il disait Vladimir Poutine n'est pas un danger pour la paix dans le monde. Monsieur Praud, là vous allez ouvrir vos écoutilles et vous allez voir. Monsieur Hollande disait aussi que la Russie n'était pas une menace. Monsieur Zelensky, le courageux président ukrainien, quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, disait « Oh là là, détendez-vous, il n'y a pas de risque imminent ». Donc que la France, y compris même Monsieur Macron, se soit trompé sur le caractère imminent d'une invasion, oui. Et nous n'avons pas comme opposants, vous le supportez, les moyens de l'État pour évaluer la situation. Seul le président Biden, depuis les États-Unis, a été le seul à dire qu'il y avait un risque d'invasion imminente, ce que la France réfutait. Donc oui, évidemment, nous n'avions pas prévu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Maintenant, sur ce que dit Jean-Luc Mélenchon, et pour faire une petite leçon utile de géopolitique pour toutes celles et ceux qui à qui il faudrait sans doute offrir, vous savez, le petit bouquin « La géopolitique pour les nuls ». Ce que dit Jean-Luc Mélenchon depuis 10 ans, Pascal Praud, c'est que vous et moi, on le veuille ou non, vous avez une dizaine d'endroits sur le vieux continent où la question des frontières fait naître des tensions. Il ne s'agit pas de dire que ni vous ni moi on ait l'intention de retravailler ces frontières, mais on compte une dizaine d'endroits en Europe où la question des frontières fait naître des tensions. Depuis 10 ans, Jean-Luc Mélenchon dit, écoutez, soit on en parle tranquillement dans un cadre diplomatique, à travers une conférence internationale des frontières, soit vous prenez le risque de voir des conflits s'envenimer et nous faire aboutir à la guerre. Et enfin, dernière chose, parce que c'est important tout de même, s'il n'est plus possible d'avoir une critique de l'impérialisme américain et de l'OTAN et de voir que même ça n'est pas la cause principale, ça a concouru à la situation que nous avons sous les yeux. Quand nous disons que nous voulons une France non alignée, ça ne veut pas dire une France neutre. Quand Vladimir Poutine choisit la guerre, nous le condamnons avec la plus grande fermeté. Mais pour retrouver sur la scène internationale sa position de puissance médiatrice au seul service de la paix est une construction politique, c'est notre boussole. Oui, la France doit être indépendante, non aligné. La Russie n'a pas à envahir l'Ukraine et les États-Unis n'ont pas à intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Je crois que c'est une position qui est assez claire et qui ne souffre pas d'ambiguïté. On va marquer une pause, je ne vous ai pas interrompu. Bravo. Il n'y a rien de personnel, bien évidemment, dans nos échanges. J'essaye simplement d'être un médiateur et d'éclairer l'auditeur. Mais Françoise était très claire, Pascal Praud. Elle était très claire. Sa question était précise, droite au but. Il n'y avait pas besoin de vous. Hein. Je ne peux même pas lancer la publicité avec Adrien Quatennens. Donc il n'y a rien de personnel, bien évidemment, mais simplement un échange pour éclairer l'auditeur. Vous l'aurez compris, Adrien Quatennens est un jeune homme brillant, sincère, authentique. Pas facile à interviewer, pas facile peut-être de lui apporter la contradiction. Mais c'est pourquoi les auditeurs vont également lui poser des questions dans une seconde. À tout de suite. Vous passez un bon moment ? Ah, magnifique. Bon, alors, j'espère que ce n'est que le début. Franck est avec nous. Franck qui est artisan, qui a 43 ans, qui habite Lyon. Donc, on a parlé un peu d'économie, on a parlé d'Ukraine. Et là, nous allons parler retraite. Bonjour, Franck. Oui, bonjour, Pascal. Bonjour, merci Adrien. Merci d'être avec nous. Bonjour, Franck. Bonjour. Voilà, je voulais vous poser une question. Je trouve la proposition de Jean-Luc Mélenchon assez séduisante. De passer l'âge de la retraite à 60 ans, simplement à l'heure où tous les candidats disent que il faut aller plus loin pour pouvoir financer tout ça. Je voulais savoir comment vous financez cette retraite à 60 ans. Voilà. Merci Franck. Bon, en effet, cette proposition, elle séduit beaucoup de Françaises et de Français. Je crois que le dernier sondage disait que c'était 71% des Français qui sont favorables au retour de la retraite à 60 ans. Bon, clairement, il y a un bulletin de vote pour ça, c'est le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon. Alors, d'abord, pourquoi la retraite à 60 ans ? Faut le dire quand même. On sait qu'à l'âge de 62 ans, vous avez un quart des plus pauvres de ce pays qui meurent. On sait que entre un cadre et un ouvrier, il y a 5 années d'écart d'espérance de vie. 13 années entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. Alors oui, augmenter le temps de travail, comme le propose Emmanuel Macron, c'est aussi aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. D'un côté, le chômage des seniors, et de l'autre côté, des jeunes qui veulent s'intégrer dans le marché de l'emploi, qui ne le peuvent pas. Donc en fait, ce qu'on gagne sur les caisses de retraite, on vient le transférer sur les caisses du chômage. C'est donc totalement injuste. Mais surtout, quand Emmanuel Macron vous dit « il faut travailler plus », en quelque sorte, il dit autre chose. Il dit « je ne partagerai pas davantage la richesse produite ». Parce que Franck, vous m'interrogez sur le financement, alors j'y viens. Dans ce pays, ces 20-30 dernières années, la productivité a beaucoup augmenté. C'est-à-dire que on produit davantage de richesses avec moins de travail humain. Je crois de me souvenir que l'on produit 50 fois plus de richesses avec deux fois moins de travail humain. Et là, vous dites « mais attendez, on produit plus de richesses avec moins de travail, mais mon salaire, il a pas augmenté en proportion. Et notre temps de travail ne diminue plus. Parce qu'il y avait ce mouvement historique de diminution du temps de travail. Ce mouvement s'est interrompu, nous allons le reprendre. Il s'agit de dire, le capital s'est beaucoup servi, maintenant c'est l'heure du travail. Ces 10 dernières années, ce sont des chiffres qui vont intéresser Pascal Praud, les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 70%, quand dans le même temps, les salaires ont augmenté en moyenne que de 12% et l'investissement productif reculé de 5%. Donc pour financer la retraite à 60 ans, c'est pas dur. Il faut partager les richesses. On a besoin pour ça, pour la retraite à 60 ans, d'y consacrer 2 points de plus de la richesse nationale. Comment on le finance, Franck ? Eh ben, par exemple, avec les emplois que nous allons créer. Par exemple, 1 million d'emplois, ça permet de remplir les caisses de retraite pour financer la retraite à 60 ans. Il y a également d'autres solutions. Par exemple, si on fait en sorte qu'il n'y ait plus cette inégalité salariale entre les femmes et les hommes, eh bien, le surplus de cotisations qu'on obtient permet de financer la retraite à 60 ans. Et puis, on peut augmenter en proportion, pour les gros salaires, les cotisations pour le financer. Voilà. Il s'agit simplement de dire qu'après une vie de labeur, on doit pouvoir partir à un âge décent. Et donc, c'est finançable pour le peu qu'on accepte de partager. Donc maintenant, quand Monsieur Macron et ses envoyés viendront vous dire de façon autoritaire qu'on n'a pas d'autre choix que de travailler plus longtemps, moi, je vous invite à ne pas baisser les yeux, à leur dire « Non, non, messieurs, on travaillera pas plus longtemps. Par contre, vous allez partager. » En tout cas, avec Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que nous allons faire. Et désormais, nous sommes les seuls, puisque même Marine Le Pen a capitulé en race campagne et a renoncé maintenant à la retraite à 60 ans. Nous la ferons. Nouvelle pause à l'instant, et je rappelle également que vous souhaitez adopter une 6e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans bien sûr, passer aux 32 heures pour les métiers pénibles et de nuit, puis engager pourquoi pas leur généralisation. Jean-Luc Mélenchon considère que la réduction du temps de travail est le moteur de l'emploi. Tout le monde n'est pas d'accord, bien sûr, là-dessus. Il veut également augmenter le SMIC mensuel à 1400 euros net et instaurer un quota maximal de 10% de contrats précaires dans les PME, 5% dans les grandes entreprises. À chaque fois, c'est toujours la même question. Ça va changer la vie, qui tout ça. Qui paye ? Et à chaque fois, vous dites, c'est les riches, regardez, qui doivent payer. Mais on marque une aujourd'hui, pause. Qui paye le malheur ? Vous voyez, oui, bien que c'est un problème de répartition de la richesse. Ce pays est très riche. Oui, il va falloir mieux partager, en effet. Qui paye ? Les riches. À tout de suite. Vous dites 5 personnes en France ont plus possèdent autant que 27 millions. Oui. Bon, mais c'est tout à fait vérifiable, ouais. C'est chiffré, c'est statistique. Vous savez, enfin, entendez bien ça, Pascal Praud. Ce pays produit beaucoup de richesses, 2300 milliards par an. Et le quinquennat de Monsieur Macron, ça tombe pas du ciel. Les 500 familles les plus riches de France, au début de ce quinquennat, elles possédaient à elles 570 milliards, d'accord ? Monsieur Macron est passé par là, 5 ans plus tard, elles en possèdent le double. Et vous vous souvenez de cette phrase de Victor Hugo, il disait « c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches ». Parce que oui, il y a un lien entre les deux. Vous savez, vous connaissez Obélix, quand Obélix mange tout le gâteau, il reste quelques miettes pour les autres. Pascal Praud, dans le même temps, sur le quinquennat, vous avez 400 000 personnes de plus qui sont passées sous le seuil de pauvreté. Je suis devant vous, je vous donne des chiffres. 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, 8 millions qui dépendent de l'aide alimentaire, 12 millions de personnes qui ont froid chez elles. C'est des chiffres. Mais derrière, vous le savez comme moi, c'est une réalité sociale insupportable. Des situations de quart-monde qui côtoient des îlots de richesse extrêmes. Des gens qui ne peuvent pas remplir leur frigo. Des gens qui ont peur d'ouvrir leur boîte aux lettres pour savoir s'ils vont pouvoir payer leurs factures. Mais d'expliquer que c'est les riches qui sont responsables de ça, c'est là que parfois Pascal, il y a explication. Parce que vous dites que vous êtes là pour poser des questions. Oui. Mais en fait, avant de passer à la question suivante, vous affirmez des choses sur lesquelles vous m'autorisez pas à répondre. Évidemment que la question de la répartition des richesses se pose. Pascal Praud, vous n'ignorez pas que... Peut-être. Mais alors, on a des solutions. Vous savez, on a sur, sur les 500 personnes les plus riches de France, vous savez combien n'étaient pas riches il y a 30 ans? Étaient à zéro sur les 500? Il s'agit pas de dire. C'est très intéressant, ça. Il s'agit pas de parce que c'est pas un héritage, parfois. C'est des gens qui sont partis de rien et qui ont bâti. Il y a quand même beaucoup d'héritiers, Pascal Praud. Pas sur les 500. En tout cas, ce qu'il y a de certain, Pascal Praud, c'est qu'on a besoin d'une meilleure répartition. Il s'agit pas de dire qu'il y a des gens qui, compte tenu de leurs investissements, de leur prise de risque, gagnent pas plus que d'autres. Mais on ne peut pas supporter de tels niveaux d'inégalité. On peut pas supporter de telles concentrations de richesses entre quelques mains quand la plupart des Français qui nous entendent à cette heure ont la gorge serrée et n'arrivent pas à payer leurs factures. Bon. C'est pas possible. Les chefs d'entreprise font aussi travailler des gens, faut le répéter, parfois prennent des risques, Qui dit le contraire? Et effectivement, on peut imaginer une meilleure répartition, notamment avec la participation qu'imaginait le général de Gaulle. Laurent est avec nous. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Monsieur Katlins, bonjour Monsieur Pro, bonjour aux auditeurs. Je ne veux pas être piégeux, Monsieur Katlins, mais j'attends une réponse que vous allez me formuler. Au vu du problème corse qui ressurgit épisodiquement, quelle serait éventuellement la position de votre groupe politique, de votre parti? Seriez-vous contre un référendum d'autodétermination pour l'indépendance du peuple corse? Écoutez, bonjour Laurent. Bon, vous savez que nous sommes plutôt de tradition jacobine. Donc pour nous, cette question, elle va pas de soi. Mais nous constatons les choses. Et il faut les regarder. Les Corses ont, par le passé, ils élisaient des élus des partis traditionnels. Désormais, on le voit, scrutin après scrutin, ils élisent des élus des mouvements autonomistes. Je crois qu'à l'Assemblée, c'est 3 de leurs 4 députés qui sont autonomistes. Donc on va pas pouvoir mépriser, forcer la main et tordre le bras. Il va falloir qu'on regarde, en effet, de manière sereine la situation. Et pour notre part, nous pensons avec Jean-Luc Mélenchon qu'il faut aller, en effet, vers un statut particulier, qui est celui de l'article 74 de la Constitution, qui permet l'autonomie. C'est le statut qui est finalement celui de la Polynésie française et qui ne fait pas que la Polynésie soit moins française parce qu'elle a ce statut. Faut pas confondre l'autonomie et l'indépendance, ça n'est pas la même chose. Mais en effet, même si c'est pas notre tradition de base, eh bien, à un moment donné, on s'incline devant la démocratie. Et quand le peuple vote à plusieurs reprises pour des élus autonomistes, eh bien, faut bien voir qu'il y a une réalité démocratique et qu'on va pas passer notre temps à leur tordre le bras. Sinon, on va se retrouver dans des situations comme celle qu'on a connue, par exemple, en Calédonie, où c'est un vrai fiasco et ça n'est pas possible. On peut pas tordre le bras aux gens. La démocratie doit être respectée et donc faut avancer sur ce sujet. Est-ce que vous êtes satisfait, Laurent, de cette réponse qui est plutôt claire, c'est-à-dire merci que pour votre réponse, oui, tout à fait, une tout forme à fait. D'autonomie. Difficulté après, une fois que la Corse a demandé son autonomie, est-ce que le Pays Basque, est-ce que la Bretagne, est-ce que l'Alsace peuvent revendiquer? Non, mais on a le caractère particulier parce qu'à pro des territoires insulaires, il y a une réalité géographique tout de même. Oui, mais par exemple le statut de résident, et on en parlait tout à l'heure. Dans le journal de 12h30. Il faut justifier 5 années de résidence en Corse pour pouvoir acquérir un logement. Il faudrait, en tout cas. C'est une demande des autonomistes. Mais ça, j'entends ça au Pays Basque aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui habitent Bidart, qui habitent Biarritz, qui habitent Saint-Jean-de-Luz, qui travaillent là-bas, qui ont des petits salaires, ils ne peuvent plus acheter dans leur ville parce que les prix ont explosé et vous avez des Parisiens en l'occurrence, qui peuvent acheter des résidences secondaires avec des moyens bien supérieurs et qui ont fait exploser le marché. Donc ce qui est valable encore sur la résidence principale est peut-être valable en Bretagne et peut-être valable également au Pays Basque. On va pas tout mélanger. Il y a quand même, vous devez l'entendre, les spécificités d'un territoire insulaire qui par nature et de fait de sa géographie quand même a des revendications qu'il faut entendre et qui sont quand même très spécifiques. Bon, pour le reste, ce que vous évoquez sur le Pays Basque, on parlait tout à l'heure de blocage des prix. Moi, je pense aussi que sur le prix de l'immobilier, le prix des loyers, le prix du foncier, il y a un vrai sujet. Parce que on le voit, même dans certaines villes. Regardez à Paris, combien prend le prix du mètre carré en très peu de temps. Il y a des réalités, encore une fois, de marché qu'on peut pas laisser donc faire. Donc, vous allez bloquer peut-être les prix de l'immobilier. Par exemple, sur les prix des loyers, oui, il faudrait y réfléchir, en effet. Oui. Mais vous savez, vous avez l'air d'être surpris avec cette idée de blocage des prix. Peut-être que c'est un partisan du marché, je vous laisse ça pour vous. Moi, ce que je vois, c'est que jusqu'en 1986, dans ce pays, les prix étaient régulés. Oui, et qu'on peut pas laisser faire des effets d'offre et de demande qui nous poussent à l'anarchie. C'est la pagaille dans ce pays quand même. Il est temps d'y remettre un peu de contrôle, oui. On va marquer une pause. Quand je dis je suis comme tout le monde, ça veut dire que je n'ai pas d'idéologie et que je suis plutôt pragmatique et que je cherche la meilleure solution pour mon pays. c'est ça que ça veut dire. Monsieur Quatennens est avec nous, on va parler des sondages, on parlera peut-être encore de fiscalité, parce que par exemple, il y a Georges Marchais disait « Jadis, au-dessus de 40 000 francs, je prends tout ». Eh bien vous, par exemple, en matière de héritage et de succession, au-dessus de 12 millions d'euros, ce qui est une coquette somme, vous ça en conviendrez. Très peu de monde. Bien sûr, mais vous prenez tout quand même. Nous sommes avec Véronique cette fois-ci. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, qui est aujourd'hui troisième, est-ce qu'il peut être au deuxième tour? C'est une question. Bonjour Véronique. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous. Une question pour Monsieur Quatennens. Oui, alors une question, plusieurs. Est-ce que franchement on peut continuer à croire au sondage, déjà, hein, et est-ce que lui il y croit? Deux, qui serait Premier ministre? Et trois, personnellement, et je pense que je suis pas la seule, est-ce qu'il faudrait pas arrêter cette guerre des partis droite, gauche, etc. Et quand quelqu'un est au gouvernement, prendre en Premier ministre ou un autre ministre autour des gens de l'opposition, de manière à avoir effectivement une gestion du pays qui puisse convenir à tout le monde. Ce qui serait, voilà, pour si on veut vraiment sauver le pays, on peut prendre des gens de droite, de gauche et essayer de s'arranger. Et je sais que c'est pas simple, parce que quand on les entend, ils sont jamais d'accord, surtout dans les débats, mais ce serait peut-être le meilleur moyen de pouvoir arriver à contenter tout le monde. Première question, est-ce que vous croyez au sondage? Si vous me permettez, je vais commencer par répondre à ce que vient de dire Véronique sur la fin, parce que c'est quand même intéressant. Bonjour Véronique d'abord. Bon, on entend parfois ça, le côté si les meilleurs de chaque parti, même en désaccord, se retrouvaient bras dessous et se mettaient autour d'une table, on aurait peut-être un gouvernement qui tendrait vers l'idéal. Le problème, c'est que, Véronique, on a inventé un moyen de règlement de nos désaccords qui s'appelle la démocratie. Jadis, on les traitait par les coups de bâton et les fusils. Aujourd'hui, on les traite avec des bulletins de vote et des arguments, ce que je préfère très largement. Mais néanmoins, nous ne sommes pas d'accord. Et d'ailleurs, c'est sain qu'on soit pas d'accord. C'est ça la démocratie. On n'est pas d'accord et le peuple tranche nos désaccords. Et après le résultat, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui en sort, vous vous inclinez. Mais le peuple choisit. Voilà. Et évidemment que là, les questions sont extrêmement, extrêmement clivantes. La retraite. C'est 65 ans avec Monsieur Macron ou 60 avec Jean-Luc Mélenchon. Le SMIC, on l'augmente à 1400 euros ou donc on ça ne serait pas possible. Donc deuxième, en effet, est-ce que vous croyez possible. Au sondage? Alors sur les sondages, incontestablement, ils donnent à voir des tendances. Ils participent aussi assez, il faut le dire, de finalement du dessin d'un paysage politique. Alors nous, on les regarde avec de la distance, mais on les regarde quand même. Ce qui nous intéresse beaucoup et qui est pas assez souvent commenté, je trouve, dans les présentations de sondages sur les médias, Véronique, c'est, vous savez, le taux de participation. Souvent, on le masque. Or, c'est essentiel. Parce que les sondeurs ont tellement la trouille de ne pas savoir évaluer l'abstention qu'aujourd'hui, quand ils posent la question aux gens pour faire le sondage, ils en posent deux. Pour qui avez-vous l'intention de voter, monsieur Pascal Praud? Alors, monsieur Pascal Praud répond. Et après, c'est sur une échelle de 1 à 10. Quelle est votre certitude aujourd'hui d'aller voter? Et souvent, si vous répondez pas 10 ou entre 8 et 10, vous êtes exclu du résultat. Or, vous savez comme moi, Véronique, qu'à 7h, il y a encore des gens qui hésitent, il y a des gens qui, pour plein de raisons, sont pas sûrs d'y aller, et qu'on doit convaincre de dire si, ça sert à quelque chose d'aller voter. Donc vous êtes méfiant ou vigilant. Donc, et troisième question, Premier ministre. Quand vous avez un sondage qui donne Monsieur Macron à 25% sur un taux de participation à 65, je suis à peu près certain que si le taux de participation est à 80, Monsieur Macron n'est plus à 25. Donc oui, il faut aller voter. Et par ailleurs, Premier ministre. Si Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui, comme le confirment les sondages, troisième, ça veut dire que la question qui se pose, c'est qui face à Monsieur Macron? Est-ce qu'on reprend du second tour de 2017 avec ce débat piteux qu'on a vu entre Monsieur Macron et Madame Le Pen? Ou est-ce qu'on a une belle confrontation sur le fond, sur les vraies préoccupations des Français entre Jean-Luc Mélenchon et Monsieur Macron? Je crois que ce serait une meilleure facture. Premier ministre, écoutez, on verra bien. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, il a aujourd'hui et le choix et l'embarras compte tenu du nombre de personnalités dans ce collectif vous, et dans cette exemple, équipe que nous faisons. Vous êtes un de ses porte-parole. La question est encore très très prématurée. Il y a plusieurs personnes qui en effet pourraient prétendre. Et d'ailleurs, nous sommes prêts à gouverner. Et nous avons pour ça une équipe qui est disponible et que je crois vous avez commencé à connaître dans ces 5 années. Où nous étions. Adrien Quatennens, à partir de quelle somme mensuelle de revenus vous considérez qu'on est riche en France? Écoutez, bon, la question se pose pas en ces termes. Je vais vous répondre sur la fiscalité. Vous savez, c'est très ça, clair. Ça, c'est pas gentil. Non, mais parce que c'est pas gentil pour mes questions. Si, écoutez, c'est intéressant. Ce que je vois, c'est que... Est-ce que quand on gagne 5000 euros, pour vous, on est riche? Bah, aujourd'hui, oui. D'accord. 5000 euros, on est assez riche. C'est en effet un beau salaire, vous voyez. Moi, ce que je veux vous dire de manière c'est, assez simple... C'est pas la même chose. C'est un bon salaire. Moi, je pense qu'on n'est pas riche. Je pense que c'est un bon salaire en revanche. Compte tenu de ce qu'est le revenu moyen, compte tenu de ce qu'est le niveau du seuil de pauvreté, si on peut considérer qu'à 5000 on est à l'aise. C'est pourquoi je vous pose la question. Vous savez que, y compris pour les auditeurs qui nous entendent à 7 heures, vous savez que par exemple dans les très grandes sociétés, et encore une fois je les confonds pas avec les petites, l'écart des salaires entre le plus petit et le plus haut Par exemple, le CAC 40, c'est de l'ordre de 1 à 240. Mmh. Qu'est-ce qui justifie que quelqu'un gagne 240 fois ce qu'il fait là-dessus. Alors Pascal Praud, juste d'un mot, pour vous la fiscalité. Vous avez parfaitement raison. Si Jean-Luc Mélenchon est au pouvoir dans quelques semaines, sur la fiscalité, ça produit l'effet suivant. Nous allons passer des 5 tranches d'impôts actuels à 14 tranches pour lisser l'effort entre tout le monde, parce qu'aujourd'hui, c'est la classe moyenne qui porte tous les bagages sur son dos. Qu'est-ce que vous appelez la classe moyenne? Ça va produire un effet, bah, j'y viens. L'effet est le suivant. Si vous gagnez moins de 4000 euros par mois, et ça concerne beaucoup de monde dans ce pays, Pascal Praud, vous paierez moins d'impôts avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà une chose qui devait être dite et qui est très loin de la caricature selon laquelle les impôts vont monter pour tout le monde. Non, non, les petits vont payer petits. Par contre, oui, je le dis et je l'assume devant vous, les gros vont payer plus. Au-dessus de 4000, on est gros. Eh bien, de fait, au-dessus de 4000, progressivement, on paiera davantage. Mmh. Mais il y a beaucoup de gens que ça va soulager et c'est nécessaire, y compris pour l'économie. Mais vous avez réfléchi, par exemple, les 14 tranches, la tranche la plus importante, c'est combien? J'ai pas les chiffres en tête, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est au-dessus de 300 000, 400 000. Je vais pas vous dire de bêtises parce que je l'ai pas exactement en tête. Mais oui, il y a, et d'ailleurs, c'est bien de le rappeler, quand on dit au-dessus de tel montant, on prend 90%, par exemple, les gens disent quoi, 90% d'impôts? Non, sur la tranche supérieure. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr, mais il faut le rappeler parce que il y a des fois de la confusion là-dessus aussi. Je me permets juste de donner un petit rendez-vous. Nous avons rendez-vous, toutes et tous, ce dimanche 20 mars, entre la place de la Bastille et la place de la République, pour déferler dans les rues pour une 6e République avec Jean-Luc Mélenchon. J'y serai et je vous y attends, nombreuses et nombreux. Eh bien, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Vous devez partir, c'est cela, à 13h40? Oui, je m'en vais à 3 où je suis en réunion publique ce soir. C'est une très jolie ville. 3, vous êtes Lillois? Je suis Lillois. Donc ce soir, Lille-Chelsea, on va gagner. Vous aimez le foot? Je suis pas un grand fan, pour tout vous dire. Mais évidemment que je vais suivre d'un œil et j'espère la victoire des Lillois ce soir. Bon, bah c'était un plaisir d'échanger ensemble. Merci de m'avoir invité. Mais non, c'est merci d'être venu jusqu'à nous et puis surtout d'avoir pu développer vos idées et d'avoir bavardé, échangé plus exactement avec les auditeurs. Et puis c'est vrai que d'avoir accepté la contradiction parce qu'elle permet forcément le débat et d'éclairer. Elle est nécessaire, Monsieur Macron devrait s'en souvenir. Exactement, merci beaucoup Adrien Quatennens. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, et vêtue de soleil et noyée de bleu tendre, et quand viennent les bateaux, on les prend pour des oiseaux, dans le bleu de l'horizon qui les confond. Ma patrie, où le ciel et la mer sont les mêmes, les affaires, elle et lui comme un couple qui s'aime. Tous les deux, au matin blanc comme un lait d'amande, et le jour tout ébloui, frangé d'or et de chaleur. Tous les deux, reflétant les lumières qui tremblent, des étoiles de minuit et des torches des pêcheurs. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, a pour moi dans la gorge un orchestre qui chante. Un chant pur et fraternel, dont les mots sont éternels, où je vais le cœur tendu et les pieds nus. Ma patrie, où le ciel et la mer me rassurent, c'est là-bas un pays sans mur et sans armure. Et je vois rire une fiancée sur la plage. Elle attend au soleil fou, elle court au rendez-vous, où l'amour jaillira dans un élan sauvage, comme un cri né sur la mer, comme un pain dans la lumière, où l'amour nous fondera tous les deux comme un bleu de mirage. dans la mer et dans le ciel, dans le ciel de ma patrie. Il était temps qu'il devienne le candidat Macron et non plus le président Macron, comme vous l'appelez. Et pour moi, à vrai dire, qu'importe. Maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'il reste 5 semaines de campagne et qu'on ait avec les Français le droit des débats, voilà, de proposition contre proposition. Alors, vous me direz, il en fait peu dans sa lettre, vous l'avez remarqué vous-même, ce qui va être un peu difficile en le confrontant. Nous, on a un programme, l'avenir en commun, détaillé sur toutes les questions. Mais enfin, au moins, j'espère qu'il va, j'allais dire, entre guillemets, descendre dans l'arène et que cette lettre ne va pas préfigurer une manière de se continuer à se comporter au-dessus du débat démocratique. Ça serait un vrai problème pour le pays. J'espère que de ce point de vue-là, il aura au moins la conscience que les Français ont le droit à un vrai débat. On comprend qu'il y a un contexte spécifique, la question n'est pas là, on l'a dit, qui nous, tout en critiquant certains aspects de sa politique internationale, fait que sur ce point de vue-là, on a une certaine retenue, mais n'empêche, Emmanuel Macron, c'est pas juste les quelques dernières semaines de la guerre en Ukraine, si d'ailleurs est tenté qu'il n'ait pas fait d'erreur, ce que je ne pense pas. C'est aussi un bilan, vous parliez de bilan tout à l'heure, vous disiez c'est bon chiffre, bah excusez-moi, mais par exemple, dans cette lettre, il se débrouille pour mentir sur plusieurs phrases. C'est-à-dire qu'il y a création d'emplois industriels, il y a moins 38 000 emplois industriels dans ce pays depuis 5 ans. Il dit qu'il a moins de chômage, ce n'est pas vrai. On regarde les chiffres par rapport à son début de quinquennat, c'est pas vrai. Il explique qu'il a investi en l'hôpital, il y a eu moins 17 000 lits fermés dans l'hôpital. Donc je pourrais égrener des choses comme ça, il nous donne un peu de propagande plutôt que de vérité là-dessus. Et puis surtout, il a tendance à nous dire quelque chose d'étonnant. Il dit « bon, maintenant, on est une nouvelle époque ». Donc je m'apprête à l'affronter, mais si vous vous rappelez, le candidat Macron en 2017, c'était déjà ça. Il avait fait un bouquin qui s'appelait « Révolution », où il disait en gros « avec moi, les choses ont changé ». Bon, alors manifestement, elles ont changé, c'est-à-dire qu'il y a eu toujours des cadeaux absolument inégalés aux plus riches. Ça, c'est ça la marque du quinquennat Macron, hein. C'est une explosion des inégalités en ce pays, qui sont pas juste un phénomène objectif. La lettre, il dit « on observe des inégalités ». Ben oui, mais c'est une politique qu'il a fait. Et donc maintenant, ce que moi je souhaite, c'est que sur la question sociale, où je trouve que c'est un échec terrible, sur la question environnementale, où rien n'a été avancé, sur les questions démocratiques aussi autoritaires, eh bien on est un vrai débat, et de ce point de vue-là, on est prêt à le relever avec l'avenir en commun, et c'est pour ça d'ailleurs je pense que nous serons en face d'Emmanuel Macron au deuxième tour. Nos frères, la haine. la misère. Il y a des pays où les gens creusent des lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait. Quand il passe, ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Soit le maître du monde, il doit toujours avoir un caillou dans sa chaussure qui s'appelle la France. Je pense que nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. La gravité, c'est pas l'affaire des sous-marins. Well, good morning from Australia. C'est qu'ils ont créé une alliance régionale pour commencer la guerre froide avec la Chine. Nous devons reprendre notre indépendance et déployer une diplomatie altermondialiste. On a masque, là ? Moi, l'Amérique latine m'a intéressé parce que ce sont des peuples extrêmement dynamiques, qu'ils ont rompu avec le libéralisme, ils n'ont pas tout réussi, loin de là, mais il y a comme ça des fulgurances. La règle politique, si j'étais le président de la République, ça serait la désescalade. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin, les Russes ? Dites-nous-le. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Et discutons de ça. Pour moi, la Russie n'est pas un ennemi, mais un partenaire. Ah, pas facile à manier. Il n'y a qu'en France que c'est possible. Un type tout seul décide qu'on entre en guerre. Tout seul. C'est pas chez nous, le Mali. Donc nous n'avons pas vocation à être le gendarme, je ne sais quel père de famille. Faut être courtois avec tout le monde. Puisque l'Allemand vient chez nous, on le reçoit bien. On lui parle poliment, on mange bien. Et puis après, on parle des dossiers. Et sur les dossiers, là, évidemment, l'ambiance serait différente. La question qui se pose à nous, Français, c'est comment, à la place qui est la nôtre, nous avons la capacité de dire aux Chinois, écoutez, c'est pas comme ça qu'il faut faire. La guerre n'est jamais une façon de régler les problèmes politiques. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci Bonsoir. D'être notre invité ce soir. Alors il y a les grandes affaires du monde dont nous allons parler longuement. Il y a aussi les débats de la gauche. Nous sommes en direct, c'est l'actualité du week-end. Quelle est votre réaction à la victoire de Christiane Taubira à la primaire citoyenne ? Ah ben elle a enfilé la chaussure qui avait été préparée pour elle. Je ne suis pas concerné. J'ai été inscrit d'office dans une élection à laquelle je ne voulais pas participer. Et par conséquent, je n'ai pas de commentaires à faire. C'est elle vous appelle à l'Union, de nouveau ? Oui, oui, c'est bien, bonne idée. Vous répondrez ? Non, j'en ai un peu marre. Les appels téléphoniques où on me prend pour une bille, ça me disons que ça finit par m'indisposer. On revient à la diplomatie. Non, mais je répondrai à tout le monde. Oui. Voilà, vivez votre vie, tâchez de convaincre, amenez des gens aux urnes, expliquons-nous, comparons, voyons, voilà, une démocratie s'est faite de ça, et c'est bien. En tout cas, ce qu'on comprend ce soir, c'est que ça ne change rien pour vous. Pour moi, non. C'est dit. Quand il s'agit de diplomatie, votre règle sera, on l'a entendu, la désescalade. Vous dites la guerre n'est pas une façon de régler un problème politique. Vous serez un agneau au milieu des grands fauves. Non, je pense que dans l'habit d'agneau, je n'obtiendrai pas les résultats auxquels je compte arriver. Non, mais je crois que la guerre, en effet, n'est plus de taille à régler les problèmes. Elle est de taille à en créer des nouveaux qu'ensuite on peut espérer régler. Mais jusqu'à présent, et d'autant plus maintenant, ça ne règle rien. 20 ans de présence en Afghanistan, avec toutes sortes d'expérimentations militaires. La plus grosse bombe de l'histoire jamais jetée est tombée sur eux. Et quoi, à la fin, une débandade sans nom face à des gens qui étaient moins armés, mais qui bénéficiaient d'une autre force, de cohésion politique. Par conséquent, la politique, à mes yeux, est au poste de commande partout. Votre première décision de chef des armées ? On va faire la tournée des popotes, peut-être, hein, pour voir comment où on en est. Non. C'est où les popotes ? D'abord, j'ai besoin d'une conférence sérieuse, qui ne sera pas publique, qui me permet d'évaluer exactement où nous en sommes. Sur le terrain militaire ? Sur le terrain militaire, par rapport à l'espace. Je sais des choses, plein de choses, parce que je suis membre de la commission des affaires étrangères, parce que j'ai été 3 ans secrétaire de la commission de la défense au Sénat, parce que je m'intéresse aux questions militaires, parce que l'un de mes très proches me tient continuellement au courant, qui est Bastien Lachaud. Il y a des réponses là, que vous n'avez pas. Il y a des réponses que vous n'avez pas, malgré tout, sur la question, sur le sujet de l'espace. Ouais, je veux qu'on me les dise, le chef de l'État a le droit à ça quand même, non? Qu'on lui dise la vérité sur un certain nombre de choses. Voilà. Notamment sur la capacité que nous aurions ou pas, depuis le sol, de détruire des satellites, notamment des satellites de communication dans l'espace. Les autres l'ont, cette capacité. Vous voulez savoir si la France l'a, c'est ça ? Je pense que la France l'a, et j'attends qu'on me le confirme, parce que le chef de l'État est chef des armées, et c'est lui qui a la haute main sur la dissuasion nucléaire, qui, si on me confirme que nous sommes en capacité de frapper depuis la Terre les satellites de communication dans l'espace, cela signifie depuis l'espace d'autres satellites qui sont dans l'espace, et par conséquent, tout l'armement qui est lié à la dissuasion nucléaire ne sert plus à rien. Donc on s'y prendra autrement. Ça ne veut pas dire qu'on sera moins, comment dire, plus agneau qu'avant, je crains qu'on ne le soit jamais. Mais on adaptera notre circonstance, on ne sera pas les derniers. Ça veut dire sortir de la dissuasion nucléaire. C'est juste pour une image. On ne sera donc pas les derniers à se battre avec des arbalètes quand les autres ont acheté des mitraillettes. Voilà. La dissuasion nucléaire, c'est des arbalètes ? Ça dépend dans quel contexte. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous espérons avoir de plus efficace. Elle repose quasi entièrement, si vous commencez par ce sujet volontiers, elle repose quasi exclusivement sur les sous-marins, pour la raison qu'ils sont indétectables. La question qui se pose, c'est de savoir s'ils le sont toujours. Parce que s'ils ne le sont plus, eh bien, tout ça ne sert plus à rien. Et donc, pour nous, Français, ça coûte cher. Je veux dire, ça nous coûtera cher d'être désarmés au moment où nous pourrions penser impressionner les autres. Et nous reviendrons sur la question de l'espace, qui fait partie de votre projet. Vous êtes un des seuls à en parler dans cette campagne présidentielle. J'en ai la passion depuis gamin. Eh bien, on y reviendra sur votre passion de gamin. Une question des téléspectateurs. Monsieur Mélenchon, à qui serez-vous insoumis quand vous serez au pouvoir, si vous arrivez au pouvoir ? À l'ordre du monde tel qu'il est aujourd'hui, à l'idée que la France ne peut plus rien. Je crois que la souveraineté de la France est possible. Je serai, je l'espère, compte tenu de la puissance de notre pays, une sorte de leader, peut-être, hein, si elle s'est acceptée, dans toute une diplomatie altermondialiste que je compte faire naître à cette occasion, et dont les principaux éléments existent déjà à travers les interventions de nombreux pays. Nous serons une puissance non alignée, souveraine, indépendante et ayant des objectifs de coalition altermondialiste. Donc ça sera fini de l'OTAN et de des choses de cette nature. Alors, on va en parler. Je vais vous présenter Nicole Bacharan, politologue, historienne, spécialiste des États-Unis et auteur des Grands Jours qui ont changé l'Amérique aux éditions Perrin. Je vous présente également Alain Boer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Et tout à l'heure, nous serons rejoints par Wassim Nas, qui est spécialiste des mouvements djihadistes. C'était évident qu'on allait commencer par là, l'OTAN, puisque c'est une de vos propositions de votre programme, sortir de l'OTAN. Nicole Bacharan, la France, elle est dans l'OTAN depuis le début, depuis 1949. Qu'est-ce qu'elle a à gagner ? Qu'est-ce qu'elle a gagné à être dans l'OTAN ? Dans un premier temps, en tout cas, sa sécurité. En 1945, la France était un pays épuisé, comme beaucoup d'autres en Europe, et c'était un des pays qui insistait beaucoup pour avoir un engagement américain durable en Europe dans les années de l'après-guerre. Donc, membre fondateur en 1949. Et cette sécurité, avec des méthodes que vous n'approuvez pas forcément, mais par l'alliance avec les États-Unis et l'Europe de l'Ouest, entre les démocraties, la France en a bénéficié tout le temps. Elle a participé à des opérations auxquelles elle a souhaité participer, comme la Bosnie. Elle bénéficie d'un soutien au Mali, soutien logistique indispensable. Et puis parfois, elle n'a pas suivi les recommandations de l'OTAN. Et je termine juste l'autre aspect de soutien, la lutte contre le terrorisme. Je sais qu'Alain y reviendra. Mais par ailleurs, on peut aussi prendre la question dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'elle a perdu, la France, à être dans l'OTAN? Elle voulait avoir sa force de dissuasion nucléaire indépendante. Les Américains n'en voulaient pas. Elle l'a conservée. Elle n'a jamais participé à une opération qu'elle ait désapprouvée. Elle ne voulait pas participer à la guerre d'Irak en 2003. Non seulement elle n'y a pas participé, mais l'OTAN n'y a pas participé. Parce qu'un seul pays de l'OTAN peut opposer son veto à un déploiement. Donc moi, je considère qu'elle n'a pas perdu sa souveraineté dans l'OTAN. En quoi la France aurait perdu son indépendance en restant dans l'OTAN? Du coup, c'est vrai qu'elle n'a pas toujours suivi, comme le rappelait Nicole Bacharan. Mais pourquoi sortir? La présentation qui a été faite est tout à fait conforme à ce qui s'est passé. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, toute la partie ouest du continent redoutait l'arrivée de l'armée rouge. Et le fait que tous les pays, un après l'autre, soient absorbés par ce qui est devenu ensuite le pacte de Varsovie. Et l'OTAN était d'un côté, le pacte de Varsovie de l'autre. Et il y avait ce qu'on appelait un équilibre de la terreur. Alors, tout le monde faisait peur à tout le monde, et tellement peur que tout le monde se tenait tranquille. Alors il y avait une escalade, et puis à intervalles réguliers, il y avait des négociations, et on discutait le nombre d'ogives nucléaires, le nombre de ceci, le nombre de cela. Finalement, le monde à l'époque était presque plus sûr. Ma conviction est qu'il était plus sûr à l'époque qu'il n'est aujourd'hui. Alors, ça, c'est le monde derrière nous. Nous devons en tirer des leçons, mais pas non plus le regarder subjugué et se dire, eh ben, on fera comme on a déjà fait parce qu'on a toujours fait comme ça. Bon, ça, c'est pas une raison. Alors, maintenant, dans les conditions actuelles, le monde est en train de se réorganiser. Le leadership des États-Unis d'Amérique est en déclin. À mes yeux, il est profondément menacé, y compris par des contradictions intérieures, qui en général est toujours le plus mauvais moment pour un empire. Deuxièmement, l'ordre des nations dans le monde est changé. La Chine est le premier producteur du monde, même si ce n'est pas encore le premier PIB, mais ça se discute. Mais en tout cas, elle fabrique tout ce qui sert à quelque chose. Les États-Unis fabriquent des services, brassent de l'argent et émettent des dollars. Voilà. Alors, ce changement de hiérarchie intervient à la sortie d'un événement historique énorme, l'effondrement de l'Empire soviétique, qui n'a été discuté par personne et nulle part, et qui donc laisse derrière toutes sortes d'événements non tranchés. Alors ici, des enclaves de ceci, là-bas, des enclaves de cela. Donc un monde dangereux. Donc on sort de l'OTAN, ça ne rend pas le monde moins dangereux, Jean-Luc Mélenchon. Je peux vous montrer une carte? Je vous montre cette carte. Regardez, c'est les forces militaires russes, c'est celle de l'OTAN. Elle va arriver, elle est par là, elle est où? Elle va être par là, elle va venir cette carte. Elle est là, regardez. C'est les forces militaires russes et de l'OTAN en présence, là vous la voyez. On voit mal comment ça peut bien se terminer. D'un côté l'OTAN, de l'autre côté les forces russes massées à la frontière de l'Ukraine. Dans un cas comme celui-ci, quelle est votre singularité dans une approche pour régler ce problème-là? D'abord, cette carte, elle est marrante. Bon, alors attendez, est-ce qu'on peut régler d'abord la question précédente, puis après on passe à la suivante? C'est lié. Oui, mais peut-être que mon esprit est trop lent pour le lier. Non, mais les Russes nous demandent. Dire, non, mais c'est précisément ce que je veux dire, c'est que les États-Unis d'Amérique, puissance en déclin, veulent reconstituer une forme de polarisation du monde où ils entraînent dans une guerre froide avec la Chine et arrive la question de la Russie. Et là, ils nous entraînent dans la guerre avec la Russie. Oui, mais vous allez voir que dans mon esprit, c'est un petit peu plus compliqué que la carte. Parce que d'abord, les Américains ne sont pas d'accord entre eux pour savoir qui est vraiment l'adversaire. Est-ce que ce sont les Russes ou est-ce que ce sont les Chinois? Et de cette incertitude, il résulte une diplomatie militaire et diplomatique chaotante. C'est-à-dire que une semaine c'est l'un, l'autre semaine c'est l'autre. Dites-moi quel est l'intérêt à long terme pour nous tous de coller les Russes aux Chinois? Quel est notre intérêt dans ce domaine? Aucun. Alors ça, c'est l'intérêt du monde, de la paix du monde et du camp dans lequel nous avons été jusqu'à présent. Je trouve cette stratégie absurde. Donc deuxième élément, nous, Français, parce que moi, je m'intéresse à la France. Donc, la France. La France, les conflits avec les Russes, ça tourne rarement à notre avantage. Et dans cette situation, je ne vois pas ce que font nos 350 hommes qui sont en Lettonie, ceux que nous avons installés en Lituanie, qui ne tiendraient pas plus d'une minute ou deux en cas de conflit général. Je veux juste finir sur cette affaire. La carte pourrait donner à penser des choses qui ne sont pas. Les États-Unis d'Amérique, représentent 40% des dépenses militaires du monde, avec leurs alliés 70%. La Russie, 2%. Il n'existe donc aucune situation de conflit militaire dans lesquelles la Russie s'affrontant aux USA ferait autre chose qu'une guerre. Alors, la question qui est posée, Nicole Bachand, c'est la question de la souveraineté. À un moment donné, sur cette carte-là, on voit qu'il y a des frontières, notamment entre l'Ukraine et la Russie. Entre l'Ukraine et la Russie, entre les Pays-Baltes et la Russie, entre la Pologne et l'Ukraine. Et c'est vrai que... C'est bien, madame, de le rappeler, parce qu'on n'en parle jamais de celle-là, de frontière. Mais c'est vrai que, je veux dire, vous souhaitez une position de la France non alignée, qui ne souhaite pas un empire ou un bloc ou l'autre. Mais de facto, dans une affaire comme celle-là, comme celle que l'on a vue sur cette carte, je ne vois pas comment on peut ne pas choisir, que l'on aime ou pas le camp que l'on choisit. Soit on donne à Vladimir Poutine ce qu'il souhaite, c'est-à-dire le recul, le retrait de l'OTAN des Pays-Baltes et des anciens pays du pacte de Varsovie, et auquel cas on peut imaginer qu'au fond l'Ukraine l'intéresse beaucoup moins, soit on ne le lui donne pas. Et de facto, soit vous vous rangez davantage côté européen-américain, soit davantage côté russe. Et je rajouterai à cela une remarque sur ces peuples qui ont leur volonté, les Pays-Baltes en particulier, la Pologne et d'autres pays de l'ancien pacte de Varsovie, et qui tiennent à cette protection américaine. Et eux aussi, il y a une volonté populaire qui est là. Comment vous l'intégrez dans une politique étrangère ? Oui. Alors, je commence d'abord par dire que... je n'ai rien à redire au tableau que vous dessinez. Je vais me positionner par rapport à lui, parce qu'il y en a une partie que je conteste, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Allez-y. C'est-à-dire que je considère que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont dans la position agressive, et non pas la Russie. J'admets que ça puisse choquer, mais je voudrais dire pourquoi. Parce que la Russie a des intérêts comme pays... Et ça nous intéresse de connaître ses intérêts, ne peut pas accepter que l'OTAN arrive à sa porte. Et on peut le comprendre, tout ça était dans le pacte de Varsovie. D'autant qu'entre-temps, le président français, il s'agit d'Hollande, a accepté l'installation de batteries de missiles antimissiles en Pologne, dont on nous avait d'abord dit, c'était pour contrer les Iraniens. Maintenant, ce que disent les Russes, ils disent, vous mettez 75% de nos systèmes de défense sous menace. Donc, ma position, c'est de dire, un, désescalade. Deux, qu'est-ce que vous voulez ? Parce que je ne suis pas d'accord avec le tableau que vous avez dessiné. Lorsque vous dites qu'il veut que l'OTAN se retire des pays qui sont des anciens pays du pacte de Varsovie. Est-ce qu'il a demandé par écrit, hein ? Non. Ce qu'il demande par écrit, c'est une chose. La négociation, c'est une autre. Oui, c'est vraiment ce qu'il demande, en l'occurrence. Bon, les pays européens qui ont fait le choix, on les a laissés entrer dans l'Union européenne qu'à cette condition, qui sont entrés parce qu'ils avaient d'abord signé leur entrée dans l'OTAN, n'en ressortiront jamais, c'est même pas la peine. Alors on fera faire semblant d'en discuter, mais ça ne sert à rien. Rapidement, sur la deuxième partie de la question, sur les souverainetés des peuples. Oui, mais la souveraineté des peuples, je commence... Oui, non, mais c'est très important, mais je commence par m'intéresser à la mienne. Je ne m'embarquerai pas la souveraineté de la France. Ouais. Je ne vois pas ce que peut signifier, vous me dites, il faut choisir. Quand le président de la République commence par dire « Nous protégerons, nous garantirons l'intégrité territoriale de l'Ukraine alors que la menace n'existe pas », ce que disent les Ukrainiens eux-mêmes, je dis qu'il fait une bravade qui ne nous D'accord. mène nulle part. Des questions assez rapides, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il faut revenir sur les sanctions à l'égard de la Russie ? Vous, oui, président, ça n'a pas de toutes sens, sanctions. Oui, bien sûr, ça n'a pas de sens. Si les troupes, parce qu'il y a quand même des troupes qui sont massées à la frontière de l'Ukraine, pénètrent en Ukraine... Que doit l'accepter. Faire la France mais et l'Europe ? On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter, ah, donc non. Il faut... Alors là, c'est un deuxième sujet. Mais attendez, c'est un deuxième sujet. Les frontières à l'intérieur de l'Europe craquent partout à l'instant. Vous disiez, madame, quelque chose que personne ne dit jamais sur aucun plateau. C'est que les preuves de frontières, ils sont aussi entre la Pologne et l'Ukraine. Ils sont aussi entre la Hongrie et ses voisins. Comme ils sont entre l'Écosse et la Grande-Bretagne. Entre la Catalogne et l'Espagne et la France. Question entre, rapide. Pardon, le pays flamand... et le pays wallon, en Belgique. Les frontières craquent partout. Donc ma proposition, qui est dans mon programme, c'est une conférence des frontières. On discute avant que ça tourne mal, plutôt qu'en attendant d'être dans des crises. Un sujet, question rapide, si vous le voulez bien, qui concerne les gens qui vous regardent au quotidien. La question de l'énergie. Les Français qui vous regardent voient le prix de l'énergie flamber tous les jours. La moitié du gaz importé, 40% du gaz importé dans l'Union européenne est russe. Est-ce qu'il faut réduire notre dépendance au gaz russe, comme le proposent certains ? Et que faut-il faire de Nord Stream 2, ce gazoduc qui va de la Russie chez vos amis allemands ? Bah, vous avez la réponse, elle est dans... dans la question, vous croyez qu'on peut se passer de ce gaz? Alors, admettons, oui, on peut s'en passer. À qui va-t-on le demander? Pas aux Français, il n'y en a pas. Non. Pas aux Espagnols, pas aux Italiens, pas aux Allemands. À qui? Au Qatar, non, je ne sais pas. Je vous réponds. Ouais, allez-y. Aux Américains, parce qu'ils en ont à vendre. Ça tombe bien, c'est le gaz de schiste. Et ils préféreraient qu'on achète leur gaz de schiste que celui qui arrive par le Nord Stream. Mais tout ça est absurde. Pourquoi on se passerait du gaz? Je sais pourquoi on devrait se passer du gaz et avoir d'autres énergies. Mais puisque les Russes en amènent, où est le problème? Il faudrait ne dépendre que des Américains pour être tranquille. Enfin, vous plaisantez. Je vais vous donner un exemple catastrophique. On dépend des Russes sur le plan de l'énergie, c'est évident. La majorité du gaz utilisé en Europe vient de Russie. On l'a dit. Mais le problème, le chaos qui est en train de se dessiner à la frontière de l'Ukraine et les menaces de guerre. C'est pour ça qu'on parle vous de savez guerre, quoi parce que sinon, il n'y a aucun problème acheter du gaz à la Russie. Donc, abaissons le niveau du chaos et nous aurons moins de problèmes de le gaz. Chaos, mais qu'on vienne pas nous dire. Je voudrais qu'on passe d'un chaos à l'autre, au fond, avec Alain Bauer. Parce qu'au fond, les Russes, ils ont déjà commencé la guerre, une guerre qui ne se voit pas et pourtant qui a des conséquences graves. Ils sont accusés d'être à l'origine d'une attaque cyber en Ukraine. C'était il y a une dizaine de jours. Et la guerre cyber, en fait, c'est la nouvelle menace pour les États, Alain Bauer. Ben d'abord, il faut savoir que la guerre a changé de dimension et qu'on est passé de la guerre froide, ce que vous avez bien rappelé tout à l'heure, à une sorte de paix chaude, avec des frontières qui craquent partout, des éléments de confrontation. Et surtout, on a changé de moyen de guerre. Parce que le cyber, qui n'a jamais voulu dire informatique, un cyber, ça veut dire complexité. Je sais que vous aimez bien aller au fond de l'étymologie des choses, donc je prends de l'avance. Mais sur le fond des choses, la complexité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une confusion chaotique dans l'ensemble des armes utilisées qui permettent de faire la guerre avant la guerre et sans la guerre. Le chef d'état-major des armées l'a rappelé en parlant d'une sorte de globalisation de la guerre qui permet de commencer sans la déclarer, avec des faux pavillons, avec des moyens nouveaux, et qu'on peut mélanger en même temps le cybercrime, le cyberespionnage, la cyberguerre, et bref, toute une série de dispositifs qui modifient totalement l'art de la guerre et la manière de l'appréhender. Donc. Et alors j'ai été intéressé parce que vous êtes un des hommes politiques qui a le plus innové en matière de campagne électorale, les hologrammes, l'odorama, moi j'ai trouvé ça absolument formidable, et j'ai regardé votre programme, je l'ai lu avec beaucoup d'attention, celui-là et celui d'avant, et le mot cyber n'y est quasiment nulle part. Nulle part. Il n'y est que sur un seul élément, qui est la cyberpédopornographie. D'ailleurs, je vous félicite d'avoir traité de cette question. Mais alors, dans le reste, il n'y est pas. Et je me suis demandé si c'était par peur de la complexité, parce que c'est un programme, ou si c'est parce que c'est encore un élément en jachère dans votre réflexion, et c'est quelque chose auquel vous ne pourrez pas échapper, alors, comme éventuellement Jean-Luc Mélenchon, chef de l'État. Alors, sur la cybermenace. D'abord, je vous donne raison sur l'évaluation. Mais admettez que ce n'est vraiment pas l'idée la plus répandue. Quand vous devez expliquer ça, vous remontez vos manches et puis on dit oui, ça saoule tout le monde. Bon, on a déjà vu ça dans des campagnes électorales, des thèmes extrêmement importants passés complètement sous la table, personne n'en parle. Pas ici. Moment alors où justement. Chose à la figure. Là, il faut bien qu'on comprenne de quoi on parle. L'espace numérique. On va mettre le cyber, qui est les modes opératoires. C'est un monde nouveau, comme une planète nouvelle, qui se renouvelle sans arrêt, puisque son tissu change sans arrêt. Mais c'est par là que voyage. Des informations, des décisions, des milliards de milliards, etc., etc. Donc c'est un monde réel, même s'il traite des données virtuelles. Attendez, ça c'est la couche. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a une couche matérielle. Le monde ne cesse jamais d'être matériel. Il y a des serveurs, il y a des câbles, il y a des endroits où on installe le contrôle des informations dans des serveurs. Donc, ma réponse à moi, la première, encore une fois, c'est l'indépendance et le contrôle des vecteurs matériels. Ça veut dire par exemple, avoir, et nous avons une entreprise française qui sait le faire, des serveurs en nombre suffisant pour pouvoir accumuler par nous-mêmes les données que nous voulons sécuriser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les serveurs sont de droit américain. Donc, le gouvernement des États-Unis, ayant repéré M. Bauer sur ce plateau, se dit, mais qui c'est ce type? Et d'ailleurs, on aimerait bien savoir de quoi il est malade. Si c'est une entreprise nord-américaine qui cumule toutes les informations rassemblées sur la santé des Français, le gouvernement saura exactement ce qu'a M. Bauer et de quelle manière... Si c'est les Chinois, les Turcs ou les Russes, c'est pareil. C'est à peu près pareil pour tout le monde. Mais là, pardon, ça n'est pas pareil parce que l'essentiel des moyens sont chez les Nord-Américains. Donc, je suis pour que nous ayons une capacité française. De la même manière, de manière à garantir que le droit français s'appliquera et qu'on ne saura jamais quel est votre dossier médical. Vous parlez des États-Unis. Pardon. Deuxième élément, oui. N'en allez pas trop vite, son échelle est complexe. Oui, laissez-moi, mais je suis aussi rapide que vous, donc laissez-moi exposer mes idées. Deuxièmement, les informations circulent par les satellites et par les câbles. Deux domaines où nous pouvons être autonomes et indépendants, notamment les câbles. Notamment les câbles, en surveillant leur sécurité et en se hasardant à les regarder ceux des autres. Je veux bien vous laisser parler des câbles, mais quand même, on parlait de cyberdéfense, de cybersécurité. Aux États-Unis, une attaque cyber sur certains sites stratégiques, ça s'est produit en France, comme des hôpitaux, appelle une réponse militaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? On est passé dans une époque où on peut faire une attaque cyber et avoir une réponse militaire. Ah ben, on peut, oui. Si c'est pour le potentiel, oui. On sait, du moment qu'on arrive à identifier qui a attaqué. C'est ça le sujet. Ben oui, c'est un sacré sujet, parce qu'il vaut mieux éviter de frapper des gens qui vous ont rien fait et d'épargner ceux qui vous ont fait quelque chose. Par conséquent, le renseignement, la cybersécurité et la contre-attaque sont trois questions liées. Et je, pardon, mais... J'essaye de concentrer des sujets compliqués en quelques mots qui conviennent à la situation. Mais la première des choses à faire, c'est de garder la porte d'entrée. Si tout le système militaire français est animé par des logiciels nord-américains, ils ont une porte d'entrée sur l'ensemble des systèmes français. Ce n'est donc pas une petite question et c'est pas à égalité avec la Turquie, pardon. Et la Russie et la Chine. Non. Non, ok. Mais attendez. C'est dit, non, on va pas. Non, mais je voudrais, parce que tout ça, à la fin, on pourrait ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis pour la souveraineté de la France dans tous les domaines. Et j'affirme une stratégie mondiale qui n'est contre personne. C'est-à-dire que je ne désigne pas d'ennemi. Quand le général de Gaulle dit qu'il fait une défense tous azimuts, tout le monde lui dit « tous azimuts, doucement, qu'est-ce que vous dites ?» Les Américains aussi, il dit « ben oui, eux aussi, je vois pas pourquoi ça les dérangerait. » Les gens qui sont honnêtes avec nous n'ont rien à craindre des Français. Je me donnerai les moyens de faire en sorte que nous soyons tout le temps respectés. Question précise. Est-ce que vous craignez des ingérences, des manipulations de l'information pendant cette campagne, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous en avez déjà été victime? Je ne peux pas dire ça. Je crains, franchement, c'est pas la campagne qui m'alerte le plus. Bon. Ce qui m'alerte le plus, c'est que tout le système de défense français soit grande porte ouverte et grande fenêtre ouverte sur les pays qui veulent y entrer, et ça me contrarie beaucoup. Eh ben, on va continuer cette discussion si vous voulez bien, mais je voudrais qu'on voit le premier reportage. Depuis les attentats de 2015, le budget de l'armée est reparti à la hausse, mais comme vous allez le voir dans ce reportage, c'est loin d'être suffisant. Alain Pirot, Coraline Salvoche et Thomas Blanc. C'est l'une des opérations les plus longues de l'armée française. Depuis 10 ans au Sahel, les soldats tentent de stabiliser une région grande comme l'Europe. Et si les hommes affichent leur bonne forme, le matériel, lui, montre ses limites. La guerre en Afghanistan avait mis à mal les véhicules. Les routes du Sahel finissent de les achever. Donc le pont, on en voit un ici, hein, par exemple, hein, le pont du véhicule de l'avant blindé, hein, tout ce qui se situe en dessous le véhicule, hein, c'est vraiment cette partie-là qui s'use assez vite. Et je ne parle même pas des pneus, où là, on en change, mais alors, une quantité astronomique. Là où, par exemple, un véhicule de l'avant blindé en France fait en moyenne peut-être 1000 km par an, en Afghanistan, il faisait peut-être 1000 km par mois, ici, la moyenne, c'est 1000 km par semaine. Donc rendez-vous compte que forcément, l'usure du matériel, le remplacement des pièces, les visites, l'entretien, ça revient très très vite. Cette année encore, plus d'1 milliard d'euros ont été prévus pour financer les surcoûts de l'opération Barkhane. Mais à l'Assemblée, la ministre des Armées préfère attirer l'attention sur un autre chiffre, l'augmentation constante du budget des armées. C'est donc une fierté d'être devant vous aujourd'hui pour présenter pour la 5e année consécutive un budget en augmentation de 1,7 milliard d'euros qui concrétise les engagements pris par le président de la République. Si Florence Parly se félicite d'un budget record atteint en 2022, 41 milliards d'euros, un député dénonce un effet trompe-l'œil. François Cornu-Gentil publie chaque année un rapport qui passe au crible les dépenses militaires. Il est malheureusement impossible de savoir où nous allons. Son inquiétude, le nombre d'équipements réellement en état de fonctionner. Exemple, avec l'hélicoptère d'attaque Tigre. Seul un appareil sur 3 capable de décoller, et c'est loin d'être le seul exemple. Pour essayer de comprimer les coûts, et parce qu'on se dit que la guerre ne sera pas pour demain, on est très très court en termes de munitions. Sauf que le jour où la guerre surgit, c'est pas sûr que les gens qui nous attaqueront diront « Écoutez, oui, on fait la guerre, mais simplement pour une semaine. » Si la guerre se prolonge, on est très à court. Voilà. On est dans une situation qui va obliger les dirigeants futurs à sans doute à faire des choix. Soit le choix de mettre beaucoup plus d'argent, mais alors au détriment de quoi ? Soit le choix de pas mettre autant d'argent qu'on avait prévu, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va supprimer ? La France a déjà fait des choix dans un domaine clé, la marine nationale. D'ici 2030, les armées espèrent disposer de 15 frégates de combat contre 18 prévues initialement. Au même moment, la Chine devrait en compter 79. Le budget consacré par la Chine à sa marine a considérablement augmenté et grosso modo, la Chine produit tous les 4 ans l'équivalent de la marine française. En mer, il y a des ressources. En mer, il y a du gaz. En mer, il y a du pétrole. En mer, il y a des terres rares. En mer, il y a des poissons. Il y a de la pêche. Si on ne surveille pas les zones qui sont sous notre souveraineté, alors elles sont pillées. Une fois que le pillage s'est organisé, peu de temps après vient la contestation sur la souveraineté. La difficulté, c'est éviter l'escalade. Un danger d'escalade ? À l'heure où la Russie et la Turquie ont elles aussi misé sur les océans pour asseoir leur suprématie. Quand on voyait ce reportage, Jean-Luc Mélenchon, et qu'on voit les budgets que sont mis notamment par la Chine et par d'autres puissances qui décident d'être des puissances militaires, vous dites qu'il faut augmenter le budget de la défense ? Pour faire quoi ? Pouvoir rivaliser et pouvoir être entendu sur la scène internationale ? Je ne pense pas que ça se passera comme ça. Je ne pense pas que ça va se passer au nombre de bateaux, d'avions, de chars. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Si la France doit être respectée, les moyens militaires qu'elle a à déployer, c'est pourquoi j'ai commencé par ça, doivent être à l'endroit efficace. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à terre, et notamment les choses importantes comme celle qui a été dite, la surveillance du territoire maritime français. Nous avons aujourd'hui l'équivalent de... Pour vous, on situe, le nombre de bateaux qu'on a, c'est équivalent à 2 voitures de police en train de surveiller tout l'Hexagone. D'accord ? Donc nous ne sommes pas en état. Donc il faut faire un effort. Donc on renonce au fait d'être une puissance militaire, au fond ? Ah non, c'est important de l'être. C'est s'assurer sa défense. Si vous n'êtes pas capable de vous défendre, chacun fait ce qu'il veut de vous. Donc il faut savoir comment se défendre et où dissuader l'ennemi. C'est-à-dire comment l'ennemi, sans le nommer. L'ennemi doit savoir, en cas où il agresserait un quelconque bout de notre territoire, ça s'appelle la dissuasion nucléaire, il prendra cher. Mais s'il n'est plus en état de prendre cher à cause de ça, bon, on choisit d'autres armes. Si nous sommes en état, nous Français, de détruire en une heure une dizaine de satellites de télécommunications, les autres peuvent déployer tout le matériel qu'ils veulent, ça ne sert plus à rien, ça ne marche plus. Donc il faut savoir où est le point faible de chacun. Nous connaissons notre point faible, nous connaissons celui des autres. Et c'est de cette manière qu'on peut créer un équilibre de la peur, qui est l'équilibre de la dissuasion. Voilà. Alors après, il y a des conflits dans lesquels c'est beaucoup moins simple. La lutte sur le terrain, comme c'est le cas au Mali, c'est une lutte beaucoup plus complexe, on va peut-être en parler après. Mais pour l'instant, restons sur les moyens traditionnels qui sont déployés. Le budget de la France a augmenté, c'est vrai, militaire, d'un milliard pratiquement tous les ans, et à partir de 2023, Monsieur Macron n'est pas fou, il a reporté ça au mandat suivant, on devra passer à 3 milliards de plus par an. Alors il y a manière et manière de faire. Si vous êtes en train de préparer des macro-installations, par exemple pour fabriquer des microprocesseurs, par exemple pour avoir nous-mêmes nos propres bases où mettre, stocker nos données, vous êtes à mi-chemin du militaire, du civil, de la recherche, et de l'emploi de très haut niveau. Donc il n'y a pas de contradiction. D'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tout le monde sache que personne ne peut frapper la France sans recevoir des coups qui coûteraient beaucoup plus cher que l'avantage de nous frapper. Jean-Luc Mélenchon, des sujets à aborder avec vous. On va une question d'Alain Boer encore sur la question de la défense, et ensuite on ira discuter avec Wassim Nasr de la menace terroriste. Rapidement, Alain Boer. Si je comprends bien, en matière de cyberdéfense, vous êtes prêt à passer du défensif à l'offensif. Ce qui a toujours été en France un sujet extrêmement compliqué, où on commence par dire non, on est là que pour nous défendre en cas d'attaque. Mais d'après ce que vous dites, y compris vos engagements dans votre programme, protéger les océans, protéger la souveraineté, etc. Il n'y a d'ailleurs pas grand-chose non plus sur la question de la défense nationale. De ce point de vue-là, l'oral est nettement meilleur que l'écrit. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout de la logique, ce qui est qu'une défense, c'est se défendre, c'est aussi attaquer ? C'est le contexte qui détermine. Prenons un exemple en mer. Comment croyez-vous qu'on a répliqué à la piraterie ? Il a bien fallu que les nôtres prennent d'assaut les vaisseaux pirates. Bon, à ce moment-là, c'est pas ce qu'on voulait, mais on n'allait quand même pas laisser faire, donc on a fait comme ça. Et il y a d'autres circonstances, le président Mitterrand avait fait tirer sur des marins portugais qui pêchaient des sardines au large de nos côtes à l'Atlantique. Il n'y avait pas moyen de leur faire comprendre qu'il fallait arrêter. Et c'est vrai que aujourd'hui même, en Guyane, les nôtres sont obligés de prendre d'assaut les bateaux pirates qui viennent pêcher sur les eaux territoriales françaises. Donc, alors, y a la limite entre les deux, c'est le où vous calez le niveau d'agression. Là, je parle de petites agressions. Les agressions entre grandes puissances, elles se règlent avec des moyens qui y correspondent, mais d'abord par de la diplomatie. Jean-Luc Mélenchon. Enfin, faire autrement est fou. Jean-Luc Mélenchon, je vous présente Wassim Nasr, journaliste spécialiste des mouvements djihadistes pour France 24, auteur de L'État islamique, le fait accompli aux éditions Plomb. Jean-Luc Mélenchon, vous voulez que la France quitte le Mali. On y est pour lutter contre le terrorisme. Wassim Nasr, on en est où de la menace terroriste ? Effectivement, c'est un cas très particulier aujourd'hui, le Mali et le Sahel, où la menace terroriste a beaucoup changé et muté, j'ai envie de dire. Il y a l'État islamique qui s'est implanté depuis 2015, sauf que l'État islamique, son vivier populaire, il est au Niger et pas au Mali. Peut-être grâce à la pression militaire française, mais grâce aussi ou à la faveur de la guerre qui s'est livrée avec Al-Qaïda. Donc ça, il faut le noter. Et on a aujourd'hui cette filiale d'Al-Qaïda qui est le JDIM au Mali, qui a déclaré à plusieurs reprises, annoncé, que la guerre avec la France est au Sahel et que le territoire français n'est pas concerné. C'est venu dans des communiqués écrits et dans des discours d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ça, c'est d'un côté. Et ce même groupe a annoncé à plusieurs reprises sa volonté de négocier avec l'État malien. Il négocie avec eux, il négocie avec d'autres États de la région, avec le Burkina Faso, par exemple, alors que la France fait obstruction. Donc mes questions sont les suivantes. Est-ce que vous considérez que le fait que ce groupe, cette filiale d'Al-Qaïda, annonce que la guerre avec la France n'est qu'au Mali et au Sahel est un gain militaire, grâce à la pression militaire française, et du coup, on peut quitter le Mali. Et d'un autre côté, est-ce que vous considérez, vous qui avez toujours appelé au départ du Mali, et croyez-moi que vos discours, même le débat à l'Assemblée nationale autour de Barkhane, il était écouté par les djihadistes aussi. Hein. Ils ont décortiqué les propos de tout le monde. Hein. Ils écoutent. Et donc, est-ce que vous pensez que laisser les pays négocier avec eux est une bonne chose ? Et est-ce que vous accepteriez que la France négocie d'une manière ou d'une autre avec ces gens-là qui sont aujourd'hui implantés pour empêcher une descente plus loin vers le sud, sachant que négociation n'est pas soumission, mais c'est un levier que la France excellait à utiliser avec d'autres groupes terroristes depuis toujours. Elle est importante, cette question. Jean-Luc Mélenchon, oui, enfin, on va commencer par la fin. Il faut en accepter tous les termes, ce qui n'est pas mon cas. Je relativiserai l'analyse qui fait de ce conflit uniquement des protagonistes djihadistes armés. Ils sont là, en effet, mais il n'y a pas que. Il y a tout un contexte de démembrement, de dislocation de l'État malien, des interventions des uns et des autres qui ont les doigts là-dedans. Absolument. Des propositions qui fichent une pagaille noire de partition du territoire, ça on n'en parle pas trop, mais ça existe aussi. Et puis, différents acteurs. Alors, suivant les circonstances, la France, en toute hypothèse, n'est jamais le gendarme du monde. Nous ne sommes pas les grands frères des Maliens. Le Mali appartient aux Maliens. Si les Maliens nous demandent d'intervenir, comme nous avons des accords de défense, et je voudrais qu'on les regarde tous de nouveau, eh bien, nous intervenons. Est-ce que les Maliens demandent ? Si on nous le demande, et alors ça, il y a une question qui va avec, ça dépend qui demande. Parce que si c'est pas un pouvoir démocratique, pardon de vous dire que je ne vois pas pourquoi nous irions mettre les doigts dans tous les guépiers qui se présentent. Jean-Yves Le Drian, il parle de junte illégitime au Mali. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre ? C'est des putschistes. Alors, je ne vais même pas discuter les qualités morales ou personnelles de M. Goïta, mais je dis seulement qu'il a fait un putsch, puis un putsch contre son propre putsch. D'accord. Et que comme tous les pays du coin, plus les Français, ont assez grossièrement élever la voix, le résultat, c'est qu'une partie du peuple malien s'est regroupée derrière les militaires putschistes. Alors, c'est un échec absolu politique. Mais reprenons au début. Au tout début, lorsque, grâce à des interventions efficaces, des gens qui n'écoutaient pas assez bien aux portes, ont trouvé la bonne idée de se mettre en file 400 Toyota avec un petit bidon d'essence dessus pour attaquer la capitale. Nous avons fait passer un rafale dans un sens et un autre dans l'autre, et l'affaire était terminée. Puis nous sommes allés jusqu'à Bamako. Puis nous nous sommes installés. Nous avons perdu 54 militaires, et je ne dis rien, des Maliens qui sont morts. Et je rappelle, nous sommes au Mali. Et vous dites que ça n'a servi à rien. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous considérez que c'est un gain militaire grâce à la pression française qu'aujourd'hui on a une filiale d'Al-Qaïda qui dit notre guerre avec vous, ça veut dire qu'il dresse un tableau d'un objectif politique atteignable. On sort de la guerre sans fin contre les mécréants pour quelque chose d'atteignable. Donc est-ce que vous considérez que c'est un gain? Non, mais j'ai voulu revenir pour qu'on situe l'histoire. Parce que je comprends. Vous dites qu'une branche de je ne sais pas quoi a dit je ne sais pas quoi. Ce n'est pas mon sujet. On négocie pas avec l'argument de la France. Non, attendez, laissez-moi. C'est l'argument de la France. Vous me permettez de vous répondre. Vous n'êtes pas omniscient et j'en sais sans doute au moins autant que vous sur ce qui se passe là-bas. Je voudrais vous rappeler, simplement pour vous rafraîchir la mémoire. Je me souviens de la période où M. Fabius disait que le front Al-Nusra en Syrie faisait du bon boulot. D'accord ? C'était des djihadistes comme les autres. Et fort heureusement, tout ce petit monde a été mis en déroute. Alors je ne dis pas ça à la faveur du régime de Bachar el-Assad, mais je suis très satisfait qu'ils aient été mis en déroute. Alors quand quelqu'un vient me dire « Monsieur Mélenchon, vous n'avez pas de souci à vous faire avec moi, parce que je vous promets, je ne m'occuperai pas de vous », je ne le crois pas. Je ne les crois pas. Et donc vous continuez la guerre. Mais c'est ça le cœur de ma question, en fait. Ah bon, ben, il fallait le dire comme ça. Vous m'avez dit si je trouvais que c'était un avantage ou pas. Ouais. Je vous réponds. Je ne le crois pas. Je ne crois pas ces gens, quoi qu'ils me disent. Je sais une chose, nous sommes présents militairement si des institutions démocratiques maliennes nous demandent d'être là. Le Mali appartient aux Maliens. Et aujourd'hui, comme les Français n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur cette chose qui n'existe qu'en France. Quoi ? Nous sommes en guerre depuis 8 ans avec un seul et unique vote. Et le reste du temps, on n'a voté de rien. Ça nous coûte 2 millions d'euros par jour et ça a coûté 5 milliards. Alors, la présence française a été là. Bon. Jamais je ne dirais que ça n'a servi à rien. D'abord, à cause de nos morts. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts en obéissant aux consignes qu'on leur donnait. Deuxièmement, parce que je pense que notre présence a dû sans doute au début ralentir le processus. Mais aujourd'hui, j'affirme vous décidez, on s'en va. Elle aggrave les choses. Non, mais je dis pas on s'en va. Je commence par dire aux Maliens qui sont mes amis, est-ce que vous voulez qu'on vous aide à organiser des élections démocratiques? Ils nous disent, non, on n'a pas besoin de vous. Ben, très bien, on s'en va. Question rapide. Mais on ne peut pas, nous, faire un pacte avec un putschiste qui dirige cet État, en même temps voter des sanctions économiques contre lui et désapprouver son régime. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et vous avez répondu. Je repartis à la question de Wassim en disant... Oui, vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Je ne crois pas les djihadistes, quoi. J'ai une question. Voici les Maliens veulent négocier avec eux. Mais les Maliens sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait alors? J'ai une question. Pardon? Qu'est-ce qu'on fait? Mais les Maliens font. Non, qu'est-ce qui est on? Donc, les Maliens font. Se retirer, accepte. Si les Maliens nous disent de partir, nous partons. Si ils nous demandent de rester, nous discutons pourquoi faire. Et moi, je vous demande les de répondre à ma question. Les militaires français, pardon, qui sont les plus lucides, quand on est arrivé là-bas, on commençait à dire « Si vous n'avez pas de projet politique, il n'y aura jamais aucune victoire militaire. Le militaire n'a de sens que par rapport aux politiques. Dites-moi absolument ce que nous comptons faire au Mali. » Je peux vous poser une question sur la Syrie. Est-ce que vous faites revenir les prisonniers français détenus en Syrie? Ben, s'ils sont français, ça paraît difficile de pas les récupérer. Mais... L'habitude, la tradition juridique veut que les gens soient punis là où ils ont fauté. Et nous n'avons pas à exiger ou à exciper un privilège français où nous on dirait, bah écoutez, comme font les Américains, nous faisons ce que nous voulons chez vous, on casse tout, et puis après on rentre et personne n'a rien à dire. Non, s'ils ont été pris sur place pour des actions qui sont condamnées par les pays concernés, eh bien, ils purgent leur peine sur place. Le problème, c'est qu'ils sont parfois dans des prisons. Sauf que, monsieur Mélenchon, le problème aujourd'hui, ils sont dans des prisons chez l'autorité kurde, qui n'est reconnu par personne et qui n'a pas de justice. Et on a des Français, donc des hommes, qui normalement devraient être jugés. Ils ont ils devraient être jugés ici même en France, hein, pour des choses qu'ils ont commises. Sauf qu'ils sont dans un trou judiciaire aujourd'hui. Ils ne sont pas jugés, ils sont emprisonnés, parqués. Et il m'est arrivé, il y a quelques jours, à la faveur des combats à la prison de Asaké, d'avoir un audio via Human Rights Watch d'un jeune Australien qui a 17 ans, qui est entre deux feux. Un jeune Australien qui a été amené par ses parents alors qu'il avait 10-12 ans. Donc ce sont des enfants qui sont parqués depuis des années, alors, dont des Occidentaux. Qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là? Alors là, nous parlons des enfants. Il y a un instant, on parlait des djihadistes, donc c'est pas la même chose. Mais oui, c'est pas la même chose. Attends, mais il y a une différence entre un djihadiste qui a tué un soldat français et son gamin lui qui reste là-bas. De rien. Sauf qu'ils sont dans la même prison. Wassim, et à la faveur de ces combats, il y a eu des centaines de morts. Et donc, djihadistes et ses enfants sont dans la même prison. Alors de quoi me parlez-vous? Des djihadistes ou des enfants? Je peux résumer? Vous rapatriez les djihadistes ou vous les laissez juger par là où ils ont été pris? Vous avez dit tout à l'heure, ils restent là-bas. Oui. Les femmes et les enfants? les femmes et les enfants, les femmes sont des êtres majeurs, ça dépend ce qu'elles ont fait, si elles ont fait la guerre, si elles ont créé des problèmes pareil. Là-bas, elles commencent par purger leur peine là-bas. Les enfants, mineurs. C'est une autre paire de manches. Bon. On est en droit, si les parents y sont prêts, à dire, écoutez, les enfants, ils n'ont rien fait, eux. Donc, comme la famille les réclame ici, si c'est le cas, pour les éduquer, les entourer d'amour et leur faire prendre un autre chemin dans la vie, bien sûr, il faut que nous récupérions nos petits. Bon. Mais les criminels ne peuvent pas exiper de la nationalité française pour se soustraire à la loi, je ne suis pas d'accord. D'autant que nous les avons affrontés. Pardon, je termine d'un mot. Vous dire que des Kurdes, ils sont peut-être reconnus par personne, mais par moi, oui. Ouais. Et le travail qu'ont fait les Kurdes dans la lutte pour empêcher les djihadistes de s'emparer du territoire syrien, on ne l'oubliera jamais. Et ce sont nos alliés, ils méritent notre respect. Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, lors de son témoignage pour le procès du 13 novembre, raconte qu'il savait que dans les flux de réfugiés, il y avait des terroristes. Face à cette réalité, quelles mesures vous prenez pour que ça ne se reproduise pas? On va dire ça à la télévision. Bon. Bien sûr. Je m'arrange pour que ne rentre pas ce dont on ne veut pas. D'accord. Ça s'appelle les opérations homicides. Non, ça s'appelle, si dans le paquet on en a repéré, ils viennent d'où? Ils ressortent de quel état? De quelle justice? Eh ben, on les donne à la justice qui doit s'en occuper. Mais c'est pas à nous d'aller régler maintenant. Alors, déjà, on l'a fait une première fois là-bas, et on va recommencer ici une deuxième. Je ne suis pas d'accord. Les enfants, oui. Ceux qui nous ont combattus, ne serait-ce que par respect pour leur dignité de combattants, nous les traitons comme des combattants. Sauf que c'est pas... Je vous disais tout à l'heure, vous êtes un des rares candidats à évoquer l'espace. On y retourne dans votre programme. Parce que vous voulez pas abandonner le sujet de l'espace aux marchands. Ce sont les mots que vous utilisez dans votre programme. Aux États-Unis, la NASA fait appel à un certain Elon Musk. On retrouve Loïc de la Mornay aux États-Unis. Bien. Nous sommes au musée des sciences de Baltimore et ici, comme partout ailleurs aux États-Unis, il y a toujours une salle consacrée à l'espace et à la gloire de la NASA. L'Agence nationale pour l'aéronautique et l'espace, une agence publique, a donné aux États-Unis leurs plus belles heures durant la conquête spatiale en pleine guerre froide, avec évidemment le programme Apollo et la Lune, et puis après avec la création de ce fabuleux vaisseau qui a fait rêver des générations entières, la navette spatiale. Mais depuis 2006, eh bien, la NASA a opéré un tournant puisqu'elle a autorisé le secteur privé à s'emparer de la conquête spatiale. Et aujourd'hui, sur le sol américain, eh bien, les seuls vaisseaux capables de lancer des astronautes, y compris notre astronaute national Thomas Pesquet, eh bien, ce sont des vaisseaux SpaceX du milliardaire Elon Musk. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Nous avons posé la question. Hello, Stephen. Hello. Alors, je suis avec Stephen McCandless, qui est astrophysicien à l'université Johns Hopkins de Baltimore et qui collabore avec la NASA sur beaucoup de projets en astronomie, notamment sur des instruments d'astronomie qui partent dans l'espace. 15 ans plus tard, quel est le bilan? Est-ce que pour vous, les scientifiques, c'était le bon choix? Win-win or loss. Ça a été clairement du gagnant-gagnant. Envoyer des astronautes en orbite basse, la NASA le faisait depuis 60 ans. C'est une frontière qui a été explorée depuis longtemps maintenant. Elon Musk, lui, il a un peu fabriqué la Volkswagen de l'espace, avec ses fusées qui reviennent sur Terre et peuvent être réutilisables. Donc c'est très bien, mais il ne fait pas vraiment de science. Non, il ne fait pas de science. C'est un sous-traitant et il remplit bien son contrat. Et ça nous a beaucoup aidé car son fonctionnement privé a drastiquement réduit les coûts. Vous savez, avant, envoyer un kilo en orbite coûtait 20 000 dollars. Et lui a divisé ce prix par 10. Le privé, ça a du bon? Quand c'est privé, oui. Voilà, c'est pas le cas. Elon Musk vit de contrat avec la NASA et l'État américain qui le surpaye. Bon, bah, tant mieux pour eux. C'est des belles réussites techniques, mais nous, le troisième port spatial du monde à Kourou. Nous sommes capables de fabriquer la fusée Ariane. Nous sommes capables d'avoir un consortium, tiens, avec les Russes, qui tirent des fusées Soyouz depuis Kourou, avec les Italiens aussi. Donc, nous sommes une puissance spatiale, nous savons faire tout ça. Vous dites qu'il faut nationaliser Ariane Espace. Et, il ne faut pas laisser partir ça aussi, hein, ils ont tout laissé partir. Alors, il faut faire attention à la propriété d'Ariane Espace. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceux qui fabriquent la fusée, les fusées, ceux qui fabriquent les moteurs et la propriété nationale sur tout ça, parce que c'est des questions stratégiques. Nous savons faire les satellites, les fusées, les faire partir, nous avons les pas de tir pour ça, on sait tout faire. Donc nous sommes une puissance spatiale. Est-ce que vous savez que les Français sont le deuxième peuple au monde contributeur par habitant pour l'espace? Donc, eh ben voilà. Alors, vous avez vu tout à l'heure, il y a des belles images, hein, ben vous les verrez en direct si vous allez à Toulouse, hein, parce qu'à Toulouse, il y a la retransmission du petit déplacement du rover sur Mars. Mars. Bon, maintenant, une fois que tout ça est sympathique, et oui. Il reste quelque chose à dire. L'espace était démilitarisé depuis 1967. C'est ça la question que je voulais vous poser. L'espace n'était pas un lieu d'accumulation. Tout ce qu'on trouvait dans l'espace était à tout le monde. Un jour, les Nord-Américains se réveillent. Encore eux. Je veux bien que ce soit quelqu'un d'autre, si vous préférez que ce soit quelqu'un d'autre. Je voulais vous interroger sur la Chine qui a testé un missile hypersonique à capacité nucléaire, qui a fait le tour de la Terre en orbite basse. Elle veut une station spatiale en 2024. Elle projette d'établir une station de recherche sur la Lune. Il y a un impérialisme chinois. Ah bon? Non. C'est ça l'impérialisme pour vous? Parce qu'alors il y a un impérialisme américain depuis plus longtemps. Mais celui-ci ne vous effraie pas? Mais ça, c'est pas de l'impérialisme. Moi, je ne reproche pas aux Américains d'avoir envoyé une expédition sur la Lune et d'avoir ramené les gens qui y étaient. Je n'ai jamais reproché aux Russes d'avoir les premiers franchi la frontière de l'espace avec Yuri Gagarin et le reste. Je suis pour la station internationale. Les Chinois vont en faire une tout seul. Je suis un peu jaloux. J'aimerais bien que les Français, peut-être, y participent. Non, l'espace doit être un lieu de concorde et pas d'affrontement. C'est pas parce que les Américains ont décidé que tout ce qu'on y trouve, on peut se l'approprier, que nous, Français, comme d'habitude, nous devrions applaudir et dire « quelle bonne idée, mais justement, il n'y a rien pour nous ». Non, et notamment, je ne parle pas que pour nous, regardez l'Afrique, où se trouve la masse francophone du monde, elle s'est fait voler le 19e siècle par l'esclavage, le 20e par la colonisation, elle est en train de se faire voler le 21e à cause de l'espace. Bon, donc il faut, nous, les Français, nous avons un rôle à jouer. Par exemple, faire une université des métiers de l'espace avec les francophones, parce qu'on sera plus nombreux à 300 millions qu'à 67 millions pour trouver de la ressource. Donc l'espace doit être un lieu de concorde, de coopération, et les Français doivent être partout, parce qu'ils peuvent le faire. Et donc je ne veux pas de l'OTAN dans l'espace, je ne veux pas de manœuvres communes militaires avec les Nord-Américains, et je ne veux pas du quartier général de l'OTAN à Toulouse pour l'espace. Voilà, j'ai fait aussi bref que je pouvais. Mais pourtant, il va falloir une défense de l'espace. On a une armée de l'air qui est devenue une armée de l'air et de l'espace. Et le problème de la militarisation de l'espace, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui a déjà commencé, qui a commencé par l'aveuglement des satellites, qui a commencé par la capacité à la destruction électrique des satellites et qui a commencé aussi par la militarisation des satellites, qui est la troisième. On n'aura plus besoin d'envoyer un missile de la Terre pour faire le tour. On peut l'envoyer déjà, semble-t-il, de l'espace. Et donc la question est... Est-ce qu'on fait une armée de l'air et de l'espace encore plus puissante? Est-ce qu'on investit dans l'armée de l'air et de l'espace? Est-ce qu'on recrée des navettes spatiales? Et est-ce qu'on le fait seul ou au niveau européen en termes de budget? Et là, je parle en termes de coûts et d'investissement. Ou alors on trouve un Elon Musk européen. Est-ce qu'on le fait avec les Européens? Français. Quoi? Tout ça. Avec ceux qui veulent. J'ai dit que c'était un lieu de concorde, l'espace. Là, on est avec les Italiens. Moi, je préfère qu'on fasse avec les Italiens. Mais... il y a des gens avec qui on ne peut pas. Qui? Les Allemands, ils ne respectent aucune parole. Pourquoi? Ils sont partis liés à Ariane Espace et ils ne réservent pas leur tir de satellite à Ariane Espace. Bon, ils payent cette année plus au consortium européen et en échange, ils demandent l'usine, la fabrication du moteur du deuxième étage qui va passer de France, où il a été inventé et fabriqué jusque-là, en Allemagne. Donc, comme ils ne tiennent pas parole, ils ont décidé de faire des petits lanceurs. Je propose qu'on évite de se mettre avec des gens qui n'ont pas de parole. Tandis qu'avec les Italiens, ça marche. Sur l'avion du futur, sans les Allemands non plus, on arrête ce projet. Et le char franco-allemand non plus. Eh bien, je vois que vous avez fait le tour. En effet, non, ça ne sert à rien. Okay. L'avion du futur, mais je veux bien entrer dans chaque dossier. Je veux le faire très volontiers. Parce qu'on va passer une question des téléspectateurs. Nous savons faire des avions, pas les Allemands. Nous savons faire un avion de combat d'un bout à l'autre. Et une fois de plus, il s'agit de brader nos brevets. Pour les chars, c'est pire que tout. On a réussi à leur vendre une partie de ce qui nous appartenait. Ils ont pris l'autre quand même. Nous avons décidé de faire des satellites d'observation. Nous, les lentilles pour observer. Eux, les radars. Première chose qu'ils font. Des lentilles. Donc, on fait avec des gens qui tiennent parole. Sans les Allemands. Vous m'avez posé une question sur l'Europe. Avec les Allemands, le jour où ils deviennent raisonnables et qu'ils respectent leurs paroles. Vous savez que c'est l'heure. Mais on arrête de faire toujours les gentils et en se laissant dépouiller, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, dans l'espace, vous me demandez avec qui? Avec tous ceux qui veulent. Voilà, c'est aussi simple. C'est l'heure des questions des téléspectateurs. Qui s'emporte aussi facilement. Oui, vous l'avez déjà lu. Est-il possible de faire confiance à une personne qui s'emporte aussi facilement pour diriger la France avec diplomatie ? C'est Robin dans l'Indre qui vous pose cette question. Je vois que c'est des gens qui me connaissent de très près, puisqu'ils savent que je m'emporte facilement. Est-ce qu'ils ne confondent pas s'emporter, se passionner? Est-ce qu'ils ne tiennent compte des bons? Alors, est-ce qu'on peut diriger la diplomatie française? Oui. Bon, peut-être qu'avant de savoir si l'on est de caractère à camomille, il faudrait savoir si on y connaît quelque chose. Parce que vous pouvez trouver quelqu'un d'extrêmement doux et gentil, mais qui ne sachant rien sur le sujet, ne sera bon à rien. Ouais. Donc, la première chose. Ce qui inquiète Robin, c'est que vous avez le feu nucléaire en arrivant à l'Élysée. Oui. Ah, voilà, oui, c'est ce qui l'inquiète d'un coup, oui. Non, mais vous avez raison. D'ailleurs, voilà, il y a une boîte. Calme. Non, mais Caroline Roux, il faut bien voir une chose. Il y a une boîte. Ah, faut pas la confondre avec la boîte à thé. Hein, et vous l'ouvrez, il y a plein de boutons. Alors, si c'est le jour où vous êtes fâché, vous appuyez sur tous les boutons et ça déclenche une guerre nucléaire. Bah, écoutez, s'il vous plaît, pas ce roman. Non, ça ne se passe pas comme ça. Question de Guillaume. Décisions, pardon, mais je veux dire à ces personnes, réapprenez à analyser un responsable politique, non pas par son allure, mais par ses idées, ses connaissances, son expérience. Vous avez le droit de dire ce qu'il dit, je suis en désaccord complet. Mais il le dit, appuyez sur une expérience. Ne mettez pas en place des gens qui ne connaissent rien au sujet dont ils sont chargés. Est-ce que vous diriez... Caroline, oui. La défense, Madame Roux, la défense, les questions de l'espace, les questions du nucléaire sont les questions qui sont de responsabilité directe du président de la République. Est-ce que vous diriez aux gens qui vous regardent ce soir qu'au fond, la personnalité importe peu ? Non, elle compte. Bien sûr, elle a de l'importance. Je ne vais pas le nier. Moi, j'ai une préférence pour les gens directs, francs. Pour ça, peut-être que j'ai mieux certains diplomates que d'autres dans le monde. Mais je trouve que les gens qui sont incertains, par exemple, notre actuel président de la République, on l'entend dire on va se retirer du Mali. Ah ben non, mais on y reste quand même. Mais on s'en va quand même. Mais on désavoue le gouvernement qu'on vient soutenir. Plus personne ne comprend rien. Il dit aux Russes, attention, hein, scrogneugneux, si vous bougez une oreille, ça va chauffer. Puis la minute d'après, faut la désescalade. Résultat, les Russes disent que les Français n'ont pas de parole. Question de Guillaume. Pourquoi ne pas avoir voté à l'Assemblée nationale la résolution socialiste dénonçant le génocide des Ouïghours par la Chine ? Alors, nous avions voté, je le dis pour que ça ne passe pas à la trappe, une résolution au Parlement européen sur le même thème et avec la même intention. Là où, si vous voulez, on a pensé que les socialistes se comportaient d'une manière inacceptable, c'est qu'il a été impossible de discuter le texte qu'ils mettaient aux voix. Et on leur dit, écoutez, vous écrivez que c'est un génocide. C'est une sacrée responsabilité d'écrire ça. Les génocides qu'on a connus, c'est par-dessus tout le génocide des Juifs. C'est-à-dire une activité industrielle de détruire une population entière. Crime contre l'humanité, vous auriez signé ? Je pense que la formule qui avait été utilisée au Parlement européen, qui est de dire, si telle et telle chose se produit, alors cela doit être considéré comme des crimes contre l'humanité. Oui, mais Caroline Roux, attendez, on n'est pas en train de parler d'un club de foot qui vote une motion de félicitations à un de ses membres. S'il y a un génocide, si vous votez qu'il y a un génocide, donc vous assumez, qu'il faut l'arrêter tout de suite. On est en train de massacrer un peuple, faut l'arrêter tout de suite. Il faut intervenir. C'est ce qu'on a fait au Rwanda dans des conditions catastrophiques. C'est ce qu'on a fait en Serbie. Mais on ne peut pas écrire « il y a un génocide » et ensuite on rentre à la maison. Allez, une question et est-ce qu'il Tom, reste de la bière au frigo ? Question de Tom dans l'Hérault. Il est étudiant, il le précise. Quel rôle la France peut-elle jouer dans le conflit israélo-palestinien ? Il faut qu'elle fasse ce qu'elle peut. Bon. Contribuer, si elle le peut, et si les protagonistes le veulent, parce que tout le monde ne le veut pas, qu'elle s'en mêle. Elle peut, à mon avis, à certains moments, taper du poing sur la table et dire, notamment au gouvernement d'Israël, « ça va pas ce que vous faites, ça ne correspond à aucune des résolutions qu'on vote à l'ONU ». Alors, à quoi bon se réunir et voter si vous ne respectez rien ? Donc, il faut qu'ils respectent ces résolutions. Et puis, aujourd'hui, je vous cache pas que ma sensibilité va plutôt à la population martyre de Gaza, qui endure un enfermement et un enfer qui ne peut que révolter. Vous croyez toujours à la solution à deux États ? Oui. Oui ? Allez, quoi faire d'autre ? Obliger des gens à vivre ensemble qui ne veulent pas le faire. Une question de Baptiste à Paris. Beaucoup de questions, il faut répondre plus rapidement, si vous pouvez. Êtes-vous pour le rétablissement du service militaire obligatoire ? Non, je suis pour la conscription obligatoire, mais pas seulement pour faire l'armée. Question de Louis, en Seine-Maritime. Le président de la République sera-t-il toujours le chef des armées sous la 6e République que vous souhaitez ? Ah ben ça, c'est les constituants qui le diront. Mais moi, si je suis élu et que j'arrive, il faut bien endosser l'habit de chef des armées. Et je promets à tout le monde que je m'en occuperai sérieusement. Parlez-vous anglais ? Mal et par sectarisme encore plus mal. Vous parlez une autre langue ? Oui, l'espagnol. Bien ? Et oui, couramment. Bon. C'est-à-dire que lorsqu'on m'ennuie à parler anglais, je me mets à parler espagnol en disant chacun parle la langue qui lui convient. J'aime l'espagnol parce que c'est une langue latine. Deuxièmement, parce que ce sera la langue dominante aux États-Unis d'Amérique d'ici, disons, 30 ans. Et que, bon, ça me fait plaisir en tant que latin de penser qu'on en aura fini avec l'anglo-saxonisme qui est à la mode depuis un petit siècle. Jean-Louis, dans le Morbihan, avez-vous fait votre service national ? Non, on n'a pas voulu de moi. Vraiment, vous n'avez pas voulu d'eux ? Non, c'est eux qui n'ont pas voulu de moi. Parce que ? Plein de raisons. Non, mais quoi ? Ils en avaient. C'est disons vrai ? Que, compte tenu du handicap dont je souffre, je n'étais pas l'élément militaire le plus utile dont ils avaient besoin. On va prendre cet argument-là, comme ça, ça n'impliquera pas de dimension politique. Mais à cette époque, les armées se débarrassaient des têtes brûlées. Parce que je suis dans une génération où on était très nombreux. Alors il y avait là-dedans beaucoup de gens qui avaient des activités politiques, donc ils disaient « Allez, restez chez vous, on va pas vous voir ». Allez, quel sera votre ministre des Affaires étrangères si vous êtes élu ? Je vous le dirai pas, mais j'ai une idée. J'ai une idée, il y a c'est plusieurs de la France candidats insoumise. Possibles. Ministre des Armées, je l'ai déjà dit, donc Sébastien Lachaud, parce qu'il est reconnu dans les milieux militaires comme un député de Saint-Denis, sérieux, travailleur, et qui maîtrise le sujet. Ce sera quelqu'un de la France insoumise ? Oui. Bah, avez-vous des soutiens bien, là. Avez-vous des soutiens parmi les diplomates ? Oui. Ceux d'Amérique du Sud ? Non, je parle des nôtres. Vous parliez pas des Français. Non, mais qui sont en poste là-bas, ou je ne sais pas ? Ah non, en poste, non, dans différents endroits du monde. Mais si vous voulez, le discours que je tiens, eux, ce sont des connaisseurs et des professionnels. Ils ne jugent pas d'après ce qui se raconte chez Pierre-Paul ou Jacques. Ils savent ce que je dis. Comment je m'y prends, qu'est-ce que je raconte. Allez, une dernière question. La France doit-elle continuer à armer le monde pour faire des guerres ? Les ventes d'armes. Les ventes d'armes, ça dépend à qui et pourquoi faire. Bon, pour faire la guerre en général ? Non, en général, ça n'existe pas. La guerre, c'est toujours un exercice particulier. D'accord. En ce moment, nous vendons des armes aux Saoudiens pour tabasser les Yéménites. Bon, il y a peut-être mieux à faire. En ce moment, nous avons été en guerre en Afghanistan, ça n'a pas été brillant. Bon. Et ainsi de suite. Non, mais bon, moi, je suis pour une production autonome des moyens militaires français. Je souffre de savoir que les fusils qu'utilisent les militaires français viennent d'Allemagne, les revolvers d'Autriche, les munitions d'Israël, et que les pièces du char Leclerc sont fabriquées en Chine. Je ne suis pas d'accord avec ça. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été notre invité. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. Hello boy, you come with me, amigo. Te quiero mucho, Liebling, come dormit mir. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, quand les nuages vont à pas lents, comme s'en vont les lourds chalands, le long des quais crevant d'ennui. C'est à Hambourg, ou bien ailleurs, qu'à tous les gars en mal d'amour, qu'à tous les gars depuis toujours, moi je balance du rêve en plein cœur. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, qu'il a posé ses mains sur moi et qu'il m'a fait crier de joie en me serrant fort contre lui. M'a dit « Je t'aime à plus finir, laisse dans la tout est marin, laisse dans la mer et puis viens, moi j'ai du bonheur à t'offrir. » Ma petite gueule. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, dans les bastringues matelots, que je trimballe encore ma peau, les bras ouverts à l'infini. Car moi je suis comme la mer, j'ai le cœur trop grand pour un seul gars, j'ai le cœur trop grand et c'est pour ça j'écris l'amour sur toute la terre. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. So long boy, Adios amigo, nachher Schatz. Au revoir, petite gueule. Notre invité vient de nous rejoindre dans le studio 521. Bonjour Aurélie Trouvé. Bonjour Alexandra. Économiste, jusqu'à mardi dernier, vous étiez porte-parole de l'association altermondialiste Attaque. Vous restez à son conseil scientifique. Vous publiez donc ce livre, Le bloc arc-en-ciel pour une stratégie politique radicale et inclusive. L'idée, c'est de définir ce que pourraient être les grandes lignes d'un programme économique qui serait inspiré par les luttes sociales que vous avez porté pendant cette vingtaine d'années d'engagement. Aurélie Trouvé, est-ce que les 32 heures font partie de ces grandes lignes? Oui, bien sûr. Alors, ce qui importe, effectivement, c'est plus les 32 heures. Je pense que la semaine de 4 jours, elle peut être de 5 jours selon les besoins des entreprises. C'est vraiment la réduction du temps de travail. Premier argument, parce que ça permet de créer des 1 à 2 millions d'emplois, selon le calcul fait par certains collègues. Bon, ce qui quand même permettrait de réduire une grosse partie du chômage en France. Puis, le deuxième gros argument, c'est que ça laisse plus de temps libre aux travailleurs et travailleuses pour se distraire, pour sa famille, etc. Et puis, c'est vrai aussi, sans doute, un meilleur bien-être au travail, une meilleure émancipation au travail, mais je dirais que la réduction du temps de travail ne suffit pas, parce qu'on a vu que l'application des 35 heures des lois Aubry au début des années 2000, ça a pu s'accompagner aussi du blocage ou voire de la baisse de salaire dans certaines entreprises, de l'intensification, on l'entend dans le reportage du rythme, l'augmentation du rythme de travail ou sa flexibilisation. Donc ça doit s'accompagner aussi de mesures qui visent à rehausser les plus bas salaires, et c'est un débat, la hausse du SMIC, mais aussi donner plus de poids aux salariés dans les entreprises, par exemple. Alors, j'entends l'argument sociétal, j'entends l'argument ça va créer des emplois. Est-ce que vous en êtes si sûr? Il y a toujours ce débat sur combien d'emplois ont été créés grâce aux 35 heures, créés ou préservés, et il y a cette idée que les emplois, c'est pas un gâteau qui se partage. Oui, alors les évaluations quand même laissent entendre qu'il y a une vraie création d'emplois, 350 000 effectivement emplois liés aux 35 heures et aux lois Aubry. Donc je veux dire, aujourd'hui quand même, c'est globalement admis qu'il y a eu la création de centaines de milliers d'emplois créés par ces 35 heures. Donc voilà. Mais pour une entreprise, on l'entend aussi dans le reportage, il y a le risque quand même, il y a cette idée qu'on est dans une économie ouverte, donc... C'est ce que disait le dernier son. L'économiste rappelle que après les 35 heures, il y a eu des entreprises qui se sont dit on perd de la compétitivité, donc on a fait le CICE, le pacte de responsabilité. Certains salaires, vous venez de le dire, ont été freinés. Il y a un coût quand même. Qui paye tout ça? Est-ce que c'est le salarié? Est-ce que c'est le contribuable? Alors, la première chose, ça a été dit dans le reportage pour l'Espagne, c'est qu'on peut tout à fait envisager des mesures de transition, des aides de transition, en particulier dans les secteurs qui auraient, et les entreprises, les petites et moyennes entreprises qui auraient le plus de difficultés à les mettre en œuvre. Ensuite, il faut quand même rappeler qu'il y a un taux de marge des entreprises qui est quand même super élevé en ce moment. C'est pas comme si, en moyenne, les entreprises tiraient beaucoup la langue. Et puis, il y a la question quand même, effectivement, du partage de richesse dans l'entreprise entre, d'une part, les dividendes des actionnaires ou les profits de capitaux, si vous voulez, et les salaires. Et effectivement, il y a une tendance aujourd'hui de plus en plus, depuis plusieurs dizaines d'années, à partager les richesses, la création de richesses et la verser davantage vers les actionnaires, si vous voulez, les profits des capitaux, au détriment des salaires et de l'investissement. Et il faut inverser aussi cette tendance. Donc là, ça demande toute une politique générale qui vise aussi à une meilleure répartition. Donc oui, ça demande, évidemment, le passage aux 32 heures, c'est pour moi une réflexion beaucoup plus générale sur ce qu'on attend de l'économie et peut-être de remettre l'économie au service de l'humain et pas l'humain au service de l'économie. Est-ce que ce que je dois comprendre en sous-texte, c'est que vous dites en effet, la réduction du temps de travail, c'est peut-être pas la priorité en 2021. On a compris que c'est les salariés, ce qu'ils disent, c'est qu'ils aimeraient gagner plus. Ils aimeraient peut-être pas travailler moins. La réduction du temps de travail est extrêmement importante, mais qu'elle doit s'accompagner d'une série d'autres mesures qui permettent aux à celles et ceux qui travaillent, eh bien, de mieux gagner leur vie, d'être dans des meilleures conditions de travail. Et donc, ça doit s'accompagner, par exemple, puisque c'est un débat actuellement, par la hausse du SMIC, étant donné la hausse du coût de la vie. Il est temps, par exemple, d'augmenter le SMIC, ce qui n'a pas été fait récemment, puisqu'on n'a fait que suivre l'inflation. Et on n'a pas, par ailleurs, on n'anticipe pas du tout les très fortes hausses, par exemple, du coût de l'énergie pour les ménages. Il vaut mieux augmenter le SMIC ou bien donner aux gens qui ont des bas salaires des primes d'activité, ce qui est la méthode actuelle. Prime d'activité, vous savez, derrière, il n'y a pas de versement, par exemple, pour les retraites. Ce qui est important, c'est la hausse du SMIC et tous les avantages sociaux qui vont avec. On dit qu'ils sont après coincés, les SMICards, dans cette trappe à bas salaire. Alors d'abord, beaucoup d'études économiques montrent que la hausse du SMIC permet d'avoir des effets en chaîne sur l'ensemble des autres, notamment les plus bas salaires. Et ensuite, oui, c'est pour ça que je dis qu'aussi, il faut que ça s'accompagne d'autres mesures donnant plus de poids, par exemple, aux salariés dans l'entreprise, permettant aussi de rediscuter avec les syndicats les grilles de salaire, effectivement. Alors, dans votre livre, vous voulez donc proposer un autre modèle, vous commencez à nous l'exposer, aux classes populaires, moyennes, leur dire qu'un autre monde est possible. Ça passe par quoi? Vous parlez beaucoup de planification. On sent que l'État serait autoritaire vis-à-vis des entreprises. Vous riez, mais j'ai ce sentiment, voire qu'il y aurait des nationalisations et puis beaucoup de création d'emplois publics. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je dessine une photo exacte de ce que vous pensez, vous, alors, au Conseil scientifique d'attaque? D'abord, la planification, c'est pas le gosse plan. Donc, c'est une planification, certes, qui soit pilotée par la puissance publique étatique, par l'État, mais qui s'appuie très fortement sur les collectivités locales, mais aussi les associations, les syndicats, tout un tas de parties prenantes de la société, voire pourquoi pas s'appuyer pour la définition des besoins sur une convention citoyenne telle qu'il y a eu, il y a eu l'expérience avec sur le climat. Le climat, oui. Voilà, qui soit une planification réellement démocratique, mais qui ne soit pas non plus un gadget comme le Haut Commissariat au plan, et qui d'abord définisse les besoins. Et je crois qu'on a vraiment besoin d'une économie des besoins socio-écologiques, et qu'à partir de ces besoins-là, que je pense être entre autres une planète vivable pour demain, un emploi de qualité pour chacune et chacun, et une égalité réelle pour toutes et tous, entre toutes et tous, partir de ces besoins et ensuite définir des grandes mesures, des grands leviers économiques. Et c'est vrai qu'il y a, à mon avis, au centre la question de l'emploi, c'est-à-dire que l'allocation de l'emploi et du capital, d'ailleurs, ne soit plus le fait essentiellement de décisions d'entreprise drivées ou pilotées par la rentabilité financière, mais des choix de long terme, de 10-20 ans, faites par les conventions citoyennes, faites par un grand, enfin qui passe par un vaste débat démocratique, et cette planification permettrait d'entrevoir les grands investissements à réaliser sur les 10-20 ans pour faire face notamment à l'urgence écologique et sociale, mais aussi les désinvestissements des secteurs les plus polluants. Mais justement, c'est ce que j'essaye de montrer, c'est que la planification, d'abord, c'est pas que l'État. Ça peut aussi d'ailleurs passer pas seulement par la puissance publique. Je parle des communs, je parle de l'importance de l'économie solidaire, des associations, etc., qui pourraient très bien avoir des moyens vraiment supplémentaires, mais évidemment sous conditions. Mais je crois que voilà, il faut sortir de cette opposition entre d'un côté l'État, la puissance publique, et de l'autre les communs qui traversent l'économie de gauche ou l'économie hétérodoxe. Je crois qu'il faut relier les deux. Je crois que cette idée de planification démocratique, écologique et sociale, elle est centrale. Voilà. Aurélie Trouvé, je vous emmène sur le dossier fiscalité parce que c'est une grande partie de l'action d'attaque. Oui. On a eu cet accord de 136 pays pour taxer les multinationales avec un taux minimum de 15%. Le mot qu'on a entendu, c'est historique. Pourquoi est-ce que vous, ça ne vous satisfait pas? Alors d'abord parce que le taux qui aurait dû prévaloir aurait dû être bien supérieur. Donc beaucoup d'économistes aujourd'hui réclament un taux à 25%. Le risque, c'est que ce soit un signal d'un alignement vers le bas de cette fiscalité sur les bénéfices des sociétés. Ensuite, parce qu'il y a pas mal de trous dans la raquette. Mais c'est pas un premier pas, quoi. C'est pas le bon chemin. Alors, et on ne peut pas imaginer qu'on ira plus loin. Ce qu'on dit, c'est que c'est un premier pas tout à fait insuffisant. et que ça, surtout, il ne faut pas en rester là, et que ça n'est pas si historique que cela, même si on va dans la bonne direction, malgré certaines limites, et quand même, il y a un certain nombre d'économistes, qui pointent aussi du doigt le fait que ça ne devrait pas. Il faut pas que ce soit utilisé comme la fin de l'histoire, sur la fiscalité. Vous avez commencé à militer il y a 20 ans. À cette époque-là, personne ne parlait des inégalités dues à la mondialisation, oui, ou presque, de relocalisation, encore moins d'urgence, oui, climatique, de la nécessité de faire payer aux multinationales une juste part d'impôts. Est-ce que vous voyez un progrès ou pas dans la conversation mondiale ? Alors, je... Question personnelle. Oui, alors... J'appelle ça une conversation mondiale, mais en gros, dans les thèmes. C'est-à-dire, même à Davos, on parle de l'urgence climatique et des inégalités. Mais, quelque part, ce qu'on dit à TAC, c'est que... Quand on parlait de la taxe sur les transactions financières, Christian Chavagneux pourrait en parler aussi, il y a 20 ans, on passait pour les dangereux révolutionnaires gauchistes. Bon, aujourd'hui, c'est devenu un thème quand même relativement... Enfin voilà, porté y compris institutionnellement jusqu'à la Commission européenne. Donc oui, il y a des victoires sur du point de vue des idées, je dirais. Après, du point de vue des faits... Vous ne croyez pas au capitalisme responsable. On a une politique par un gouvernement, et sous Emmanuel Macron en particulier, qui est une politique, pour moi, de régression sociale et écologique. Bon, voilà, c'est donc on a peut-être sur le plan des idées, on a avancé et on a gagné parfois, mais là, je pense qu'on est en période de régression, ça c'est sûr. Aurélie Trouvé, économiste, conseil scientifique d'Attaque. Votre livre, c'est Le bloc arc-en-ciel pour une stratégie politique radicale et inclusive, publié à La Découverte. Merci d'avoir été l'invité dont n'arrête pas l'écho. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En cœur, ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. S'enivrer de discours, pas de vin, rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le groupe. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. T'as dit la vérité, il doit être exécuté. Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté.

Association Vivre sans thyroïde. Bonjour. La situation actuelle est en effet inquiétante et encore bien plus pour les personnes habitant dans les zones concernées. Pour ce qui est de l'iode, il faut savoir que les comprimés ne sont utiles que, en majuscule que, quand on a encore une thyroïde qui fonctionne, et uniquement quand il y a un accident nucléaire dans les heures qui précèdent l'arrivée du nuage, si on est prévenu, etc. Bon. Le but des comprimés fortement dosés en iode est de saturer la thyroïde en iode stable afin qu'elle n'absorbe pas l'iode radioactif du nuage, trop faible pour la détruire, mais qui peut provoquer des mutations et plus tard des cancers, notamment quand on est jeune. Mais quand la thyroïde est déjà éteinte ou a été enlevée, prendre de l'iode ne sert à rien. L'iode 131 ne pourra pas endommager notre thyroïde. Par ailleurs, prendre ces pastilles à titre préventif, entre guillemets préventif, sans qu'il y ait un risque immédiat, serait dangereux. Le fort apport d'iode risque de sidérer la thyroïde et pourra soit la bloquer, soit provoquer une hyperthyroïdie, et on risque d'être totalement déséquilibré pendant très longtemps. Voilà. On est prévenu. Alors, ciné-débat. Mediapart et première ligne. Mediapart, qui a tué le débat public? Mediacrash, un film Herman de Luc Herman Valentine Auberti au cinéma le 16 février. Alors, le vendredi 25 mars à 20h, la Ligue des droits de l'homme nous invite à assister à la séance qui sera présentée et animée donc par la Ligue des droits de l'homme au cinéma Majestic Remiremont. Prix d'entrée, tarif 5€. Alors, documentaire de Valentine Auberti et Luc Herman, 1h25. Il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent que vous voyez, et ce que vous ne voyez pas. Jamais la France n'a connu une telle concentration des médias privés. Quelques industriels milliardaires, propriétaires de télévision, radio, journaux utilisent leurs médias pour défendre leurs intérêts privés. Au détriment de l'information d'intérêt public. En cachant ce qui est essentiel. En grossissant ce qui est accessoire. Ces médias façonnent, orientent, hystérisent pour certains le débat. Avec la complicité de certains responsables politiques qui s'en accommodent volontiers. Mediapart et Première Ligne vous racontent les coulisses des grands médias. Donc, vendredi 25 mars à 20h. Voilà, la séance sera présentée et animée par la Ligue des droits de l'homme, qu'on se dise. Alors, autre chose, et pour terminer, coup de gueule d'un révolté. À moins de 30 jours du premier jour, quand j'ai quand même un ou deux trucs à dire à Roussel. Artaud, Hidalgo, l'autre écolo d'opérette, et même Poutou, le gentil Poutou que tout le monde il aime bien, et qu'il est quasi intouchable tellement il est sympa. Je m'adresse pas à leurs électeurs, mais à eux, à tous les cinq. Déjà, à quoi vous servez en réalité? Point d'interrogation. Vous allez perdre cette élection, c'est écrit. Alors, du coup, sérieux, à quoi vous servez? Le seul truc qu'on m'a répondu jusqu'ici, c'est « candidature de témoignage », entre guillemets, « candidature de témoignage ». Ok. Pour témoigner de quoi exactement? Témoigner de « que c'est la merde intégrale ». C'est ça, sans blague. Vous croyez qu'on ne sait pas? Vous croyez vraiment qu'on a attendu pour faire ce genre de constat? Qu'on vous a attendu? Tu parles d'un scoop. Vous nous prenez pour des cons. Vous avez aussi... Ou quoi? Vous aussi, pardon. Vous nous prenez pour des cons, vous aussi, ou quoi? Vous avez une pensée trop complexe comme l'autre dingue? Mais vous vivez au quotidien cette merde, vous ? Point d'interrogation. Concrètement, point d'interrogation. Parce que moi, oui. À compter chaque euro. Alors vous faites quoi pour que ça change ? Point d'interrogation. À part des grandes phrases pleines de jolis mots sur la misère, les pauvres, les victimes du capitalisme, vous faites quoi ? Repoint d'interrogation. Et si Macron repasse, vous ferez quoi pendant 5 ans ? Repoint d'interrogation. Vous faites quoi pour les millions de gens comme moi qui se démènent pour pas crever de faim ? Des milliers qui en crèvent quand même. Pour pas crever de faim, des milliers qui en crèvent quand même. Qui crèvent de froid, qui crèvent dans la rue ou qui crèvent au chômage. Au chômage. Messieurs les politiques, au chômage. Qui crèvent au boulot. Vous ferez quoi pour eux pendant ces 5 ans ? C'est vous qui allez leur trouver du boulot ? C'est vous qui allez payer leurs factures ? C'est vous qui allez remplir leur frigo ? Non, évidemment non. Alors, vous ferez quoi ? Rien. Vous ne ferez rien. Parce que vous ne pourrez rien faire. Vous n'en aurez ni les moyens ni le pouvoir. Parce que vous ne serez pas au pouvoir. Vous ne serez pas aux manettes. Vous ne déciderez de rien. Rien, en majuscule, rien. Alors, aujourd'hui, comme demain, à quoi vous servez ? À rien. À part peut-être empêcher le seul qui pourrait y être aux manettes et qui pourrait améliorer la vie de tous ces gens que vous prétendez connaître, que vous prétendez représenter, que vous prétendez défendre. Ces gens qu'en fait vous prenez le risque de condamner à 5 ans de plus de galère. Et moi j'ajoute, ce vote prochain, il va nous engager pour 3 générations. C'est-à-dire que nous serons responsables du malheur de nos enfants et de nos petits-enfants. We'll be right back.